Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Marie-Christine Perra vient nous parler d'art et de grande culture, donc gratin et vin gratuit. Et on goûtera non pas du vin, mais quelque chose qui n'a pas de classe dans une grosse pointe d'allresse. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce jeudi 15 octobre 2015, 194 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Avec Tania Baudin. Salut Tania, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, dernier jour de la semaine d'Assemblage Reiki, le jeudi. Déjà. Et déjà arrivé à la fin, mais on a tout plein de chroniqueurs aujourd'hui pour terminer la semaine. Ben oui, au mais moins, on aime ça. Au moins une personne. Au moins, hier on en avait plein. C'est ça. On en a toujours plein le mercredi, mais le jeudi on en a moins, mais ouais. C'est pas grave, ça allège... la fin de notre émission. Ben, ça nous permet de manger un peu, hein? Aussi. Donc, on va recevoir Marie-Christine Perra dans une case horaire spéciale. D'habitude, elle est le lundi aux deux semaines. Là, on la reçoit aujourd'hui, jeudi, à 9h pour gratin et vin gratuit. Gratin et vin gratuit. La chanson dit vin, gratin et vin gratuit. Faut se le mettre en bouche. Oui, parce que... Tu le cracheras pas dans le seau, là. C'est ça. Non, on le garde dans notre bouche. Donc, ça va être à la toute fin de l'émission pour vraiment donner un petit chin-chin à la semaine. Avant ça, on va faire une grosse pointe en dresse. Notre chronique maison où on goûte un produit qui est en dessous de la table en ce moment et qui pourrait être très différent de ce qu'on mange d'habitude. C'est pas quelque chose que j'ai tendance à amener souvent, ça. Ah ouais? C'est jamais arrivé, en fait. Tu me titilles le questionnement. C'est ça, parce que si t'enlèves les chips, la liqueur et le chocolat, qu'est-ce qui reste? La bonne nourriture? Non! C'est une grosse pointe en dresse, on mange pas de la bonne nourriture. D'accord. Donc on va faire ça tout à l'heure. On a aussi ta chronique à toi, Tania Escola Entertainia. De quoi on parle aujourd'hui? Bien, comme on est jeudi, évidemment, tu viens de le dire, on va goûter à des affaires. Il y a aussi Marie-Christine qui va nous parler de d'art, mais sa chronique s'appelle « Gratin et vin gratuit ». Alors, je me suis dit que j'allais simplement continuer dans la lignée de la nourriture. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter des blogs entièrement canadiens qui parlent de bouffe. Oh wow! Ouais. Génial. On aime ça. Mais on va débuter avec des gadgets encore un peu. Avec 16, ça ne devrait pas, on l'a dans quelques instants. Avant ça, par contre, on débute en musique avec Katie Moore. Oui. Et tu nous as choisi l'extrait-titre de son plus récent album. Mm-hmm. Est-ce que tu t'appelles du nom? Non, c'est que je t'aide, c'est Fooled by the Fun. Et voilà, Fooled by the Fun. Je me suis dit, OK, il y a une pièce au palmarès, mais si l'album s'appelle comme la toune, ça doit être bon. C'est un bon signe. Hein? On l'essaye à Assemblage Reiki tout de suite. Fooled by the Fun. Wake up to a beautiful day. Lie in bed, let the breeze push your dreams away. You think of your luck, your love, how no one's more glad. Was there ever a moment to think of all that we had? When the clouds come chasing the sun around, all things that know how to smile have slipped underground. Dark out, light time for your soul. Does the thought of not thinking of me ever get old? And would you smile if we should cross one sunny day? Would you try? By the fire, if you call me, I'll run. You'll never leave my Katie Moore et la pièce Fooled by the Fun à Assemblage Rocky, c'est un choix de Tania. C'était bon ça pour commencer l'émission comme ça le matin, tout doucement. Très doucement, après avoir fait une intro remplie d'énergie. Ouais, c'est ça. On redescend. Moi j'aime tout souvent ça, redescendre la cadence. Ah ouais, hein? C'est ça, toi tu t'endors après. Hein? C'est... Mais non, mais c'est pas endormant, mais je trouve ça que ça accompagne bien notre café c'est le vrai, matin. Tout à fait. On est jeudi. On est déjà jeudi. Jour de paye. On est allé voir, on l'a eu. Oui. Fait qu'on peut acheter des affaires. Ou payer nos affaires. Ou bof, payer des dettes, rose une carte de crédit, peu importe. C'est, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Oui. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets inutiles à se procurer sur Internet. Il y en a une bonne grosse trollée encore aujourd'hui. Ça n'arrête jamais. Commençons par le Chameleon Pen. Ouh! Intéressant quand même. C'est pas un crayon qui va changer de couleur. Okay. Mais c'est un crayon qui va te permettre de faire différentes variantes dans tes couleurs. Donc, c'est pour créer des ombrages, surligner, faire des... Moi, des ombres, du shading et du shadow, je vois pas vraiment la différence entre les deux, mais c'est un peu un dégradé et des ombres avec ton crayon. C'est le Chameleon Pen, équipé de bouts japonais remplaçables et d'encre remplissable. Chaque crayon est un marqueur normal, avec deux côtés, un bout plus pointu et un bout moins pointu. Et si tu connectes le bout qui livre l'encre avec l'autre bout et ça va créer un genre de toning. Ouais, c'est ça. Pour mettre de l'encre graduellement sur ta feuille. Donc, tu vas pouvoir vraiment faire comme un dégradé entre le blanc et le bleu dans ce cas-ci, qui va être de plus en plus bleu. Vraiment comme si t'avais Photoshop finalement. Ben ouais, c'est bien. Dans ton crayon, c'est vraiment super bien fait. Donc, seamless, il n'y a pas de marque de débarcation entre les deux sortes de. Pas de couleur, mais ni de teinte. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? C'est dur à décrire. C'est difficile à décrire un peu, mais ça coûte 5$ sur Kickstarter en ce moment. Ouais, c'est pas si cher. Je croyais que ça allait être pas mal plus cher que ça. C'est ça, et on peut accomplir pas mal plus de choses qu'avec un crayon normal. Ensuite, t'as de la misère à attacher tes souliers, Tania. Je t'ai vu l'autre jour. Ben oui. T'es bas à terre dans le bureau. C'est ça. Tes souliers délacés. Oui. Ça sent ta forme. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est moi, ça. Ouais, quand c'est ça. Souliers. Donc, transformer n'importe quel soulier en pantoufle presque avec ses lacets à l'intérieur du soulier. Ouh! OK, donc, ben, c'est pas le lacet qu'on vous vend, c'est un petit gadget de plastique qui va s'attacher à vos lacets. On peut l'attacher à n'importe quelle longueur, c'est compatible avec plusieurs types, en fait, n'importe quel type de lacet, et ça va éliminer le besoin d'avoir constamment à démêler tes lacets. Tu vas juste c'est pouvoir bien. Tirer dessus et tes souliers vont s'attacher facilement. Pour 8$. C'est pas si cher non plus. C'est ça. On aime bien, tu nous conserves quand même un peu d'argent dans nos poches ce matin. J'essaye, c'est difficile par moment. Je fais la petite vidéo en plus de détails sur comment le fonctionnement. Je suis en train de la regarder moi aussi. Là, il installe son fastener à l'intérieur de son soulier. Ça va être plus loin que ça. Ouais, c'est pas... Là, il coupe le bout de ses cordons. Donc, une fois que les souliers sont bien lacés, il peut complètement retirer comment couper les cordons. Et à partir de là, comme ton lacet tient à ton fastener, à ta petite attache dans le soulier, tu peux facilement les enfiler, les désenfiler, et ton lacet va tout le temps rester bouclé de la même façon. C'est bien. 8$. Couper les cordons, c'est plate, par contre. Ouais, ça je suis d'accord, mais quand même. Quand même. Est-ce que toi, t'as dit que t'avais un chien à la maison, toi? Oui. Donc t'as pas de chat. Non, je suis allergique aux chats c'est de façon ça. Assez exceptionnelle. Mais si t'avais un animal de compagnie qui avait tendance à écrire sur ton clavier d'ordinateur, tu devrais peut-être l'empêcher de le faire. Ouais. Ton chien fait pas ça. Non, ben ça dépend. Quand je suis sur mon ordinateur portable, exemple, sur le divan, là, mon chien va venir se coucher sur le portable. Bon. Donc peut-être que t'aurais besoin de ça. Ouais. C'est plus pour un ordinateur de table, quand même. C'est un clavier, un couvercle de plastique qui va par-dessus votre clavier. C'est le Nico Pochi Anti-Cat Keyboard Cover du Japon, bien sûr. Évidemment. Hein, on place cette tablette-là par-dessus le clavier, on va faire ses affaires et ton chat ne pourra jamais toucher à ton clavier parce qu'il y a une couverture de plastique par-dessus. C'est comme une petite tablette surélevée. Donc, tu pourrais quand même potentiellement... Il a l'air assez haut pour pouvoir continuer de taper en dessus s'il faut rapidement. Donc, si, mettons, tu as besoin de taper quelque chose de rapide, tu ne veux pas avoir enlevé la tablette de là. Mais ton chat, normalement, pourrait pas taper dessus. C'est cool. Ça peut tenir jusqu'à 22 livres, donc ton chat pourrait monter sur la tablette. Et ouais, en effet, on voit le gars avoir son iPad sur sa tablette. Puis il écrit en dessous avec sa main. Sa tablette sur sa tablette, ça fait bizarre un peu. Mais la tablette sur la tablette de plastique, et il continue d'écrire parce qu'il y a une petite fente en dessous. Donc voilà, c'est en jaune en ce moment. Je me demande s'il y a d'autres couleurs. Oui, en transparent et en bleu. Cool. Ensuite, Redshift Shock Top, qui vous donne une façon d'être plus confortable à vélo, en fait. C'est comme des chocs, mais pour le guidon. OK. OK. Donc, c'est ça, quand on fait du vélo, des fois, on peut payer des bosses, puis c'est pas super confortable, c'est un piteux, hein? Donc, Redshift Shock Top va être adoré par les amateurs de vélo. C'est... Donc, ça approche le problème de cette façon-là. C'est une... C'est un... Comment dire? Un poteau pliable qui permet au poignet de voyager vers le haut et vers le bas avec chaque crevisse ou chaque trou que tu rencontres sur ta route. Les grosses bosses ont dit une réduction de 70% de ton... shakage. De ton shakage, c'est ça. C'est ça, et le reste est à peu près éliminé. Donc le reste des petites bosses, on parle des grosses bosses pour 70%. La compagnie offre plusieurs longueurs de poteaux avec différents niveaux de dureté, si on veut, grâce à un élastomère interchangeable. Donc on peut ajuster notre expérience comme on le veut. L'installation se fait en quelques minutes, demande aucun outil spécial autre que peut-être un tournevis. Ça coûte 109$, on peut précommander maintenant, ça va être livré en avril 2016, juste à temps pour l'été prochain ou la prochaine saison de vélo. On montre des graphiques sur assemblagerequis.com d'un poteau normal et du shock top et la vibration que ça donne. Donc ça dit que ça peut réduire l'impact jusqu'à 70%. Il n'y a pas de vidéo, mais ce qu'on voit vraiment dans le GIF animé, c'est vraiment le guidon qui a l'air de prendre le choc. Donc d'après moi, c'est sûr que si ton guidon bouge moins, ça aide, mais tes fesses sont quand même inconfortables. Oui, il y a comme des commentaires qui disent « Je croyais que ça allait être un banc, justement, une selle de bicyclette, mais logique, ouais. Malheureusement, non, c'est seulement le guidon, alors vos fesses auront quand même mal. » C'est ça. On parle tout le temps de produits au bacon à chaque semaine. On parle de produits au café à chaque semaine, que ce soit du savon au bacon ou c'était quoi la semaine passée qu'il y avait au café? C'était hier. Hier, le beurre de peanut. Au café. Bon, ben ici, on mélange les affaires de bacon et les affaires de café. À la place, ça va être un café à saveur de bacon. Oh. Hein? Bon, pourquoi pas. Bacon et café, enfin, ensemble. Donc, c'est Maple Bacon Deluxe Smoked Coffee, café fumé de luxe à l'érable et au bacon. C'est exactement ce que ça en a l'air. C'est du café avec une saveur de bacon et l'arôme, donc l'odeur du bacon. Ils disent, nous versons la saveur de bacon à l'érable sur nos grains de café comme du sirop, les laissant tremper dans la saveur du bacon. Chaque goutte sera sucrée, savoureuse et délicieuse sans le gras et la graisse. Et votre café, votre cuisine café, voyons, bureau ou café, c'est ça, va sentir comme un déjeuner du dimanche. Est-ce que tu sais si c'est américain ou canadien? Ça m'a pas l'air de le dire. Ça dit qu'un sac d'une livre coûte 17$. Allons voir sur le site. 20,99$ sur Beaudly.com, B-E-W-D-L-Y.com. C'est une compagnie canadienne. Évidemment, parce que le bacon est encore une fois au sirop d'érable. Oui, ça c'est a pas le choix. C'est comme un classique, hein? Mais est-ce que t'achètes du bacon à saveur d'érable? Aucunement. Parce que c'est bon, ça. En fait, ma famille achète rarement du bacon. Ah, bon. Ouais, faut vraiment qu'on se dise, OK, dimanche, on se fait un brunch. Oui. Puis là, on va ça va avec le brunch plus que le déjeuner, je trouve, le bacon. Et d'ailleurs, sur le même site, il y a ici du café au peanut butter cup et chocolat. Et ça nous dit, alerte aux allergènes, l'usine qui fait fumer le café travaille aussi habituellement avec du poisson. Donc, faites attention aux allergènes de poisson. C'est ça. Quand même, hein. Le premier téléphone cellulaire flottant du monde. Hein? Le Comet. On va dire un produit de nettoyage, mais ouais, c'est vrai. C'est ça, Comet, avec une technologie d'encryption de la voix, avec une reconnaissance de votre humeur, un très beau design et un prix abordable, disent-ils. Donc, Comet, le premier téléphone intelligent qui flotte dans l'eau du monde. Comet est un téléphone Android avec la plus récente technologie, le processeur le plus rapide possible, un design élégant. Avec Comet, vous n'allez plus jamais perdre votre téléphone cellulaire ou les données à l'intérieur simplement parce que vous l'avez échappé dans l'eau. vivez dans le moment et amusez-vous avec la beauté de l'eau et de la nature sans paniquer pour perdre votre téléphone, peut-être, potentiellement. Donc, Comet, qui accepte les bandes LTE et GSM, donc c'est utilisable partout dans le monde. Ça fonctionne avec la plupart des opérateurs américains et canadiens et autres. Ça vient donc débarré. Donc, pas de contrat, aucun frais par mois, aucune restriction sur votre liberté. C'est le Comet. Ça ressemble étrangement à un iPhone, hein? Visuellement, énormément, mais ils ont réussi à éliminer les bordures à gauche et à droite, ce que j'apprécie. Ce que j'espère qu'Apple va faire l'année prochaine, enlever les bordures. Qui sait? Comment savoir? Ben, probablement. Probablement. Venir, c'est la prochaine ça étape. Ça va venir. C'est le téléphone le plus mince, avec le moins de bordures que nous avons jamais produit. Et voilà. Nous savons que vous voulez l'adorer. Je préfère la voix pour la pub. Ah ouais, c'est ça. Il me manque un petit accent britannique. Je sais. Ton appartement est petit, Tania, je pense, hein? Tu vis dans un petit appartement, il me semble? Ben, oui. Est-ce que tu dis oui juste pour parce que je t'ai dit dire tout le temps oui dans cette période? Ben, oui. D'accord. Donc, OK, peut-être que tes parents ont une maison super, super énorme, on sait pas. Donc, votre petit appartement studio pourrait être un petit peu plus spacieux en lui donnant un deuxième étage, presque. Ça, c'est cool. Je dois avouer que ça me parle pas mal. Ça le transforme en loft, ton appartement. Ouais. En loft avec, tu sais, un petit mezzanine, si on veut. Ça, c'est cool. C'est vraiment beau. Donc, c'est une structure de métal avec des pattes, évidemment, pour tenir. Et ça te monte un petit deuxième étage, mais juste sur une partie de l'appartement. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, ils l'ont mis au-dessus du salon. Et donc, t'as le salon en bas avec la table, la télé, le divan. Et au deuxième étage, avec un petit escalier, tu montes. Et t'as des barreaux tout le tour pour t'assurer de pas tomber. Et là, il y a sa discothèque, ses vinyles, une chaise de bureau, une plante. Je viens de voir le prix. Ouais, mais Tania, combien aurais-tu payé pour ça? 200$? Hey, t'achèteras pas ça là, dans un magasin d'entrepôt là, cheap, là. Non. Ça vaut de l'argent. C'est sûr que c'est en métal puis que ça supporte quand même un bon poids. Oui, ça vaut l'argent. Mais 3 000$, ouais, c'est quand même dispendieux. C'est dispendieux, surtout si en plus t'as un petit appartement parce que tu dois économiser de l'argent pour rembourser tes dettes, mettons, exemple. Mettons. Peut-être. Ben, t'auras pas 3 000$ à payer pour ça. T'sais, mais en plus, le site s'appelle This is why I'm broke. Ouais, ben c'est ça. C'est pourquoi je suis pauvre, mais va t'acheter une mezzanine à 3 000$. Ouais. Mais si t'es aux États-Unis, au Canada ou au Québec, peu importe, et t'habites dans une grande ville, mettons Montréal, et que les appartements sont toujours très très petits, peu importe. Mais oh, ouais, c'est vrai. C'est vrai, en plus, donc t'as encore plus de chances de pouvoir t'insérer une petite mezzanine. Je suis d'accord avec toi. Et ton appartement est déjà super pas abordable. Déjà en partant. Déjà en partant parce que t'es à Montréal. Juste un 1,5, vous donnez une idée à Montréal, c'est 800$. Ça a pas de sens, ça a aucun mot de sens. Mais bon, donc procurez-vous ça sur assemblagerequis.com. Ensuite, tiens, tu veux peinturer ton auto d'une autre couleur? Mm-hmm. Mais tu veux pas que ce soit permanent? Oui. Tu veux pas que ce soit une peinture permanente, là. Tu veux pas que ton auto soit rouge pour le reste de ta vie, là. Non, non, non, non. Donc, tu vas pouvoir expérimenter avec l'apparence de ta voiture en lui donnant un paint job, mais non permanent. En utilisant une peinture qu'on peut ensuite peler. Tu l'envoies par spray sur ta voiture, la peinture, et elle ne craquera pas rien avec la météo. Absolument pas. Nous dit-il, évidemment, c'est sûrement pas fait pour l'environnement québécois où il fait moins 45. Ouais, c'est ça, là, t'sais, avec le froid, non. On s'entend que, mettons, l'été, peut-être plus. Mais c'est là qu'on veut faire d'expérimentation. L'hiver, de toute façon, t'es tout en train de gratter ton char. Tu vas pas commencer à gratter l'autocollant. Ouais, c'est ça. La peinture, c'est pas l'autocollant, mais... Il y a pas comme un risque que ça enlève, en fait, la couleur originale de ta voiture quand tu l'enlèves? Ils disent que non. Leur site s'appelle Dip Your Car, un peu comme tu tremperais de la crème glacée, de la crème glacée dans du chocolat. Ils disent que c'est super efficace et que c'est célèbre partout dans le monde et c'est tel que vu à la télé, Tania. Mais c'est comme ça que la plupart du temps, on va aller, excusez-moi le terme vraiment anglophone slash amélioré en québécois, c'est comme ça qu'on va strapper okay. Les voitures de course. Strapper. Striper! Striper les voitures. Comme mettre de des autocollants de. Ouais, ouais, je comprends. C'est un peu comme les autobus aussi, là. Oui! C'est du striping! C'est pas du strapping, ouais, comme dans, on dirait quelque chose de sexuel quand tu fais strapper après un lit. C'est pas ça! Non, c'est du. Ouais. Ok. Mais c'est comme quoi ça. Quoi que tu fais ce que tu veux avec des chars, ouais. Tu peux te strapper après ton char si tu veux. Tu peux, si t'es vraiment en amour avec ta voiture. C'est ton choix. 355$ pour une voiture. Pas spé. Et puis, ça dit que c'est, parlant du mois d'octobre, c'est le mois peut-être du cancer du sein, je sais pas trop quoi, 20% de rabais sur la couleur rose. Bon. Ils font d'autres choses aussi, depurecar.com, là, ils parlent de trucs de pour les roues. Tu peux colorer tes roues aussi. Ah, tu dois pouvoir faire la même chose avec tes roues. Genre, colorier, mettre de la couleur sur tes roues. On va Mais je dois avouer qu'il y a plusieurs photos présentement sur l'article qu'on regarde. Puis, il y a une BMW qui est comme ma. C'est très beau. Ouais, c'est très joli. Très joli. Tiens, justement, parlant de rendre ta voiture belle en la changeant un peu, peut-être que tu devrais nettoyer tes gadgets électroniques en leur enlevant les empreintes que t'as fait dessus pour le rendre plus beau. C'est améliorer l'apparence de tes choses superficiellement. Hein? Donc, tes gadgets ont besoin de se faire nettoyer. Peut-être aussi ont-ils besoin de sentir meilleur. Je sais pas, peut-être que tu te strappes à ton téléphone. Peut-être. On sait pas, là. Donc, si t'as déjà senti ton téléphone, peut-être qu'il sent les bactéries. Peut-être qu'il sent... je pense que les bactéries sentent quelque chose. Il va sentir l'odeur de tes doigts que t'as mis un petit peu partout. Voilà. Oui. Oui. Hein, tu le mets contre ta figure quand tu téléphones, c'est tout huileux. Tes doigts sont sales. T'as utilisé de l'argent peut-être qui est rempli de traces de drogue. Peu importe. Non, c'est vrai. Ouais. C'est quand même vrai. L'argent de papier, c'est dégueulasse. C'est vrai. Donc, c'est ce que Philippe s'est dit aussi. C'est une ligne de nettoyants à gadgets en 4 saveurs, pas saveurs, senteurs, odeurs différentes. Lavande, camomille, menthe et rose. Est-ce qu'on dit lavande? Je pense que c'est lavande, hein? Oui, lavande. Lavande, camomille, menthe et rose. C'est donc des nettoyants d'écran antibactériens. Et puis, ça va nettoyer plus que juste l'écran. Ça peut nettoyer tout l'appareil au complet et ça laisse une odeur, bien sûr, plaisante, ça dépend. 10$ la bouteille, donc le genre de gadget qu'on aime avoir à la maison, juste comme ça quand on a besoin, tu l'oublies que tu l'as acheté, tu le retrouves, tu fais comme « Hey, crime, ce serait fun si mon téléphone sentait la camomille. » Ou la rose. Oui, ou la rose. Par contre, la bouteille, ça, tu sais, ça indique pas il y a combien de millilitres, mais ça a l'air quand même petit. Oui, ça a l'air énormément petit, mais ayant acheté moi-même des bouteilles de spray comme ça, des grandes bouteilles, ça fait des années que je les ai. Fait que ça va durer au moins plusieurs mois. Là. C'est vrai, t'as raison. Ça pour 10$, c'est un bon investissement. Et en plus, le petit capuchon contient un petit linge de la même couleur que l'odeur, que le parfum de la chose. Donc ici, camomille, c'est un genre de jaune serein un peu, donc il intègre dans le capuchon un petit linge de la même couleur. Ensuite, l'automne qui vient d'arriver, il y en a qui ne sont pas si chanceux que ça. Ils sont, mettons, en voyage à Cuba ou je sais pas trop quoi à ce moment-ci de l'année. Pauvre. Ouais. Ils n'ont pas les feuilles d'automne. C'est plat. C'est vraiment plat. Donc si tu t'en vas ailleurs en voyage, tu devrais peut-être te faire livrer du feuillage d'automne de la Nouvelle-Angleterre livré à ta porte. Hein? Il y a des résidents qui n'ont pas la chance d'avoir des feuilles d'automne. Ben ouais. Peut-être en envoyer à votre famille ailleurs dans le monde. C'est shipfoliage.com, foliage F-O-L-I-A-G-E, fondé par un enthousiaste de la randonnée pédestre du Massachusetts, Cal Waring. C'est pour partager la beauté du feuillage de la Nouvelle-Angleterre avec les gens qui ne sont pas capables de le vivre. Il recrute, lui, des experts en feuillage partout dans le nord-est des États-Unis et choisit à la main les feuilles les plus parfaites qu'ils peuvent trouver. Et ensuite, il y a un processus de préservation et on envoie ça dans une boîte avec des notes écrites à la main. C'est 19,99$ par ensemble de 3 feuilles. Une rouge, une jaune et une verte. Oh! 3 feuilles, 20$. Wow! Pour te sentir comme en automne. Shipfoliage.com. Il dit avoir reçu plus de 75 commandes en seulement 24 heures. Ah! T'es sérieux? Pour 3 feuilles chaque. C'est pas beaucoup de job, ça, puis tu fais beaucoup d'argent. Hein? Quel profit, ça. Alors, j'imagine qu'il paye ses employés. Ben, j'espère. Il y a peut-être des dépenses, peut-être qu'il paye en feuilles, une feuille de chaque couleur. Une feuille de chaque couleur. Eh boy. Ensuite, tiens, l'automne, justement, qui arrive, des branches qui tombent, des arbres, peut-être, autant que les feuilles. Tu veux pouvoir jouer avec tes amis à l'épée, à l'escrime. Mais c'est plate de juste prendre une branche dans ta main puis de jouer à l'escrime. Ben, je suis d'accord. C'est pas assez réaliste. Il te faut un morceau de plastique qui va transformer ta branche en épée. Oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, c'est Nature Saber Sword Creator de la compagnie Monkey Business. C'est un attachement en silicone, pardon, j'ai dit plastique tantôt, qui fit au bout d'une branche et qui crée, comment dire, une façon de ne pas se faire mal. En touchant... tu le prends par la branche, pareil. Ouais, pareil. C'est pour te protéger le bout des doigts de l'autre personne qui va te frapper sur les doigts. Genre, j'imagine. Est-ce que tu te souviens, à un moment donné, il y a comme eu une grosse mode où que les gens, surtout les gars, jouaient à Donjons Dragons dans les parcs? Ah ouais, non. Tu te souviens pas de ça? Non. Ça me fait penser beaucoup à ça. Tu sais, ils se faisaient des épées en mousse avec du tape, puis ça se faisait beaucoup dans mon quartier. C'est plate, la mousse. Tu veux jouer avec du bois? Ben non, mais ça fait beaucoup moins mal, là, ils se frappaient pour vrai. C'est ça. Donc, ça vous donne l'impression d'être protégé. En tout cas, ça va la donner l'impression à vos enfants. 11$ en 3 couleurs disponibles, rouge, bleu et blanc. Disponible maintenant sur Monkey Business. Eh ben. Ensuite, tiens, assurez-vous que vos gadgets électroniques soient toujours en plein utilisables. Parce que quand tu t'en vas en vélo, t'as besoin de ton GPS, mettons, et ton GPS pourrait planter, pourrait manquer de batterie. Mm-hmm. Ben, ce sera pas le cas si tu t'en vas en vélo avec ce chargeur USB à 1000 mAh qui fonctionne silencieusement et sans aucune drague, nous dit-il. Donc, ça va pas vous empêcher de rouler correctement. Ça va rouler à la même vitesse que d'habitude. Et ça va charger vos appareils USB en même temps que vous pédalez. Donc, on pédale, on charge, on charge, on charge, on pédale, on charge, tout le temps. Tout ça pour 120$ américains. Américain, évidemment. Américain. Donc, montable sur votre vélo, ça utilise la puissance de vos pédales pour charger n'importe quel appareil. Ça s'installe facilement sur n'importe quel vélo avec un port USB 2.0, des lumières LED et trois modes d'éclairage. Donc, j'imagine que ça ajoute en plus de l'éclairage par sécurité. Et puis, ça ressemble à ça pas mal. Fallait s'y attendre quand même. Ouais, ça existait déjà, mais. Ouais, c'est ça. Pour 120$, c'est pas trop pire. Puis, de toute façon, de la façon qu'on est rendus tous accros à nos téléphones, intelligent, pardon, c'est sûr que ça allait arriver si jamais tu pars en vélo de pouvoir le charger en même temps. Et c'est clair qu'en vélo, j'ai besoin de GPS pour savoir où je m'en vais. Moi aussi. Ensuite, tiens, l'appel de la nature. Vous le mettez pas en attente, vous y répondez tout de suite parce que vous êtes en camping avec votre truck et là, vous avez pas de place où faire vos besoins. Hein? Ouais. Vous avez pas la place. Donc, il vous faut le Truck Hitch Toilet Seat. Oui, truck hitch, comme dans le truc pour traîner attacher une tente roulotte. Une tente roulotte, exactement. Donc, à la place d'amener votre tente, ma tente roulotte, comme vous l'appelez. Oui. Salut roulotte, toutes les roulottes de ce monde. Donc, à la place, c'est vraiment littéralement un siège de toilette avec, en plus dessus, un recouvrement d'armée. OK. Parce que rien ne dit redneck américain. Mm-hmm. Comme, ça aurait pu être un drapeau américain, mais ça aurait pas été bien vu... de faire ses besoins sur un drapeau américain. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. On s'entend. Donc, une jolie petite commode, comme on appelle, qui s'installe facilement sur votre voiture, sur votre camion, plus qu'une voiture. C'est une façon rudimentaire de faire ses besoins pour 40$. Encore une fois, sur Amazon, ça dit que c'est un modèle complet de 18 pouces de largeur par 13 de... non, pardon, 18 de longueur par 13 de largeur, pouces par 3 de hauteur. Et c'est couvert, comme je disais, de... camouflage. C'est encore plus luxueux. Ensuite, tiens, tu veux savoir quand t'as mangé trop de biscuits, par exemple. Oui. Trop mangé de choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Donc, c'est, on estime que d'ici à 2019, le marché des Internet of Things, ça, c'est les gadgets qui deviennent intelligents avec le temps. Là, c'est téléphone intelligent, PC, tablette, voiture... Ça va être plus... je recommence. D'ici 2019, le marché de tout ce qui est connecté, comme que ce soit les bracelets, les bagues connectées, les montres connectées, va être plus du double du marché des téléphones intelligents, PC, tablettes et voitures connectées, combinées, mises ensemble. OK. Voilà. Donc, si le rêve d'un monde connecté s'en vient, ça veut dire qu'il faut tout réinventer. Et ici, c'est le Smart Kitchen Ecosystem, SKE Labs, qui veulent que votre cuisine soit encore plus intelligente. C'est le Neo. C'est un pot intelligent. Un pot. Ouais. Donc, il sait ce qu'il y a à l'intérieur et qui communique via Bluetooth. Ça a l'air un peu bizarre d'avoir un pot conscient dans votre cuisine. Ça fait peur, surtout. Ça fait peur. Donc, ça va mesurer les tasses de farine ou de sucre pour une recette, par exemple. Donc, vous allez pouvoir regarder l'application pour savoir combien en prendre. Et Neo va vous dire quand vous avez mangé trop de biscuits en vous montrant le contenu nutritionnel de la nourriture que vous mangez, que vous avez enlevé, en fait, du pot. Directement jusqu'aux calories, aux carbos, peu importe, carbohydrates, je sais pas ce que c'est en français, au contenu en gras et aux protéines. Donc, le pot sait qu'est-ce qu'il y a dedans, par communication Bluetooth. Ouais. Quand on enlève un, il peut faire le calcul par rapport au poids dans le pot de ce que tu vas manger, te le dire dans ton téléphone. Quand même. C'est fort. Ça peut t'assister aussi à la préparation d'un repas. Quand il manque de nourriture dans un pot, Neo va t'envoyer une alerte pour mettre le contenu sur ta liste d'épicerie et ça va te suggérer des recettes basées sur ce qu'il y a à l'intérieur du pot. Et ça va aussi être au courant des dates de péremption de tes produits. Donc c'est très très intelligent. Et c'est les Neo de la compagnie SKE Labs. Il y a vraiment beaucoup d'autres détails sur assemblagerequis.com. Est-ce qu'ils disent combien ça se détaille? Pas en ce moment, non. Ah! Pas en ce moment. Ça aurait été fun de le savoir quand même. Attends un peu, j'imagine que c'est quand même un peu dispendieux. Il y a une campagne sur Indiegogo. OK. Ouais, OK. Donc, 52 402 ont été ramassés en ce moment. Le projet était financé à 104% le 22 mars dernier. Sur la page d'Indiegogo, évidemment, ça, c'est les prix pour ceux qui précommandaient. Mais c'était 99$ américains pour deux pots. Donc, une économie de 45%. T'as d'autres modèles aussi à 199$, 299$. Ça, c'est pour 6 pots ensemble. Prévu pour être envoyé en novembre 2015. Donc, c'est là que ça se passe. C'est là qu'ils commencent à envoyer les pots. Hmm. C'est cool, hein? Très cool. J'aime ça. Ensuite, allons-y avec un dernier. Pour ceux qui aiment le ping-pong, mais qui vivent en petit appartement, qui viennent de s'installer à 3 000 $ la mezzanine de tantôt. Ou qui sont en résidence. Ou qui sont en résidence, encore une fois, et qui aiment ça jouer au ping-pong, c'est une bonne idée. Ou au beer pong, ben, oui. Avec la même table de ping-pong, tu peux jouer au beer pong, on s'entend. Oui, t'as ça, pas c'est sûr. Donc, c'est une table, évidemment pas une table de grandeur normale, c'est une petite version en carton du tennis de table. En quelques secondes, vous allez pouvoir déplier et assembler tout ça dans une table de ping-pong fonctionnelle avec le filet de carton, les raquettes en carton et une planche pour montrer le score en carton aussi. C'est évidemment pas de la grandeur régulière pour jouer au ping-pong officiel, c'est pas regulation comme on l'appelle, c'est pas les grandeurs appropriées, mais quand même, une partie rapide quand vous en avez envie, juste à pas renverser de liquide dessus, je pense que ce serait la chose à ne pas faire. Donc, c'est vendu par une compagnie de jeux allemande qui s'appelle Kickpack. Qui offre aussi une table de foosball, de baby foot en carton. Probablement pas mal plus compliqué à monter, une table de foosball. À opérer aussi, hein? Probablement aussi, mais bon, ils savent ce qu'ils font, hein, ils en vendent. Oui, ils ont amélioré leurs produits avec le temps. Sur cette raison. Kickpack, et le nom de la compagnie, c'est kickpack-shop.de. C'est écrit en euros les prix, donc ça sert à pas à grand-chose que je vous dise, mais environ 60 € pour la table de tennis de table. Voilà, j'avais dit que c'était le dernier, donc c'est le dernier. On arrête oui. là? C'est cool? C'était ça existe, mais ça ne devrait pas. Les liens sont sur le site de l'émission assemblagerequis.com. Au retour de la pause, Tania Baudin. Oui! Et Tania is gonna entertain ya. Reste là. Assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Requis, on est jeudi 15 octobre 2015, déjà la moitié du mois d'octobre de passé. Déjà. Ça va bien, que la saison passe vite à la date. C'est vrai. Mais on aime ça quand on a du plaisir. Ben oui, hein? Il faut. Et un de nos plaisirs quotidiens, après le pain quotidien, ou qu'est-ce qu'il y a de quotidien dans la vie, un journal? Non, pas vraiment. Pas vraiment. En tout cas, pas le nôtre. Aller aux toilettes, mettons. Ouais, c'est quotidien. Manger. Ah, bref, peu importe. Ah, voilà. C'est peut-être ça le sujet de la chronique de Tania is gonna entertain ya. Pourquoi je fais ça? Ça fait deux fois. Hier aussi, tu l'as manqué. Je comprends pas. On va voir comment je comprends pas. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. La la la la la la la la. And she's gonna entertain ya. Tu vois, je compense en la faisant longue cette fois-là. Ben oui. Tania Baudin, bonjour. Bon matin. Oui, on parle de nourriture aujourd'hui. Eh ben oui, parce que le jeudi, évidemment, on a toujours la grosse pointe à l'adresse. On goûte toujours à quelque chose en temps habituel. On va toujours à un certain point dans l'émission parler de nourriture. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer à éveiller cette curiosité de nos papilles gustatives et de faire saliver nos auditeurs. Parce que aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de bouffe, carrément, de bouffe comme ça, de nourriture, simple encore de une même. Fois. Simple de même. Et en fait, je vous présente les meilleurs, peut-être pas les meilleurs blogs canadiens, mais quelques blogs canadiens qui ont quand même une belle renommée jusqu'à présent et qui font parler de plus en plus d'eux. Et je me suis intéressée à savoir justement qui étaient ces gens, qu'est-ce qu'ils nous présentaient et comment est-ce que ça se développait pour eux. Alors, le premier blog que je vous présente, en fait, c'est un blog en anglais, c'est CanadianFoodie.com. Mm. Et on le sait, justement, cette affaire de foodie, hashtag foodie, ces gens qui trippent sur la bouffe, ça commence à faire parler sur les réseaux sociaux de plus en plus. Ça a l'air, j'ai posté mon bol de céréales. T'as hashtagué foodie, hein? Oui, et food porn, et en effet, porn. J'ai eu des likes. Oui, définitivement, c'est sûr. Il y a des gens qui, je suis persuadée, passent leur journée à regarder que les hashtags, que ce soit sur Instagram. Instagram, ouais. Twitter ou Facebook pour justement regrouper ce qu'ils aiment, mettons. On a tous nos hashtags préférés sur Instagram. Ben oui. Puis évidemment, Pinterest est à la saveur du jour. Alors, il y a des gens qui s'inspirent de ça aussi pour créer des blogs. Ouais. Mais en fait, je vous présente, comme je le disais, un blog canadien anglais. C'est Valerie, là, j'espère que je vais prononcer son nom de famille comme il faut, Lungunja. Je te fais confiance. qui a créé ce blog-là. En fait, c'est une fille d'Edmonton en Alberta et elle fait l'évolution de la cuisine traditionnelle dans les prairies. C'est comme ça que son blog se met en place. En fait, je vous dirais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'onglets sur son, sur son blog, mais c'est très, très, très visuel et ça vraiment, quand je disais que ça titille les papilles gustatives, c'est même pas une blague. Moi, j'ai regardé ça ce matin encore une fois parce que j'essayais d'ouvrir les liens puis tout ça. J'ai regardé ça à comme 6h45 ce matin puis j'étais comme... Étais-tu ici à 6h45? C'est pas grave. Non, j'étais chez moi à 6h45. Je suis quand même arrivée avant 7h ici. Mais... OK. Tout ça pour... Mais c'est vrai que ça a l'air bon. Là. Il y a tellement de choses. Oui. Du chili au chocolat. Ah oh, ouais. Et à l'espresso. Je sais, hein. C'est fou. Je vous invite à faire un tour si jamais vous lisez en anglais parce que évidemment les recettes vont toutes être en anglais. C'est un petit Google Translate là-dessus. Puis, Ben sûrement que tu pourrais le faire. Elle a quand même gagné des prix avec son blog en 2013, le Canadian Web Blog Award, qui est regroupé pour l'entièreté des blogs. Mmh. Et il y a aussi le Canadian Web Blog Award pour Food and Drinks. OK. Donc, principalement pour la nourriture et les cocktails, la boisson, eh bien, elle a gagné quand même ces deux awards-là de façon canadienne. Et c'est quand même cool. J'essayais de savoir qui elle était. Malheureusement, tu sais, ça ne dit pas si... C'est sûr qu'elle a un CV assez, assez détaillé. Là. Je regardais, elle est membre du Slow Food Edmonton. C'est la secrétaire exécutive du Slow Food in Canada. De 2010 à 2015. C'est elle qui a fondé le Eat Alberta, qui est comme un festival de nourriture en Alberta en 2011. De 2012 à 2015, elle a été la créatrice de Canadian Food Experience Project. Elle a, je vous le dis, là, elle a quand même un CV très, très détaillé. Puis, c'est ce que j'aime, en fait, c'est qu'à chaque recette, elle va détailler aussi une petite histoire par rapport à cette recette-là. Ah. C'est pas seulement « voici ma recette, je vous donne les ingrédients, faites ci, faites ça ». C'est ce que j'aime sur les blogs beaucoup, c'est que les gens vont donner leur opinion, ils vont beaucoup décrire pourquoi ils nous présentent cette recette-là, exemple. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous présenter acanadianfoodie.com, parce que je me suis beaucoup... j'ai beaucoup aimé faire le tour de ce blog-là, mais il y a beaucoup, beaucoup de sections, comme je le disais, mais surtout beaucoup de sections quant à la nourriture. Okay. Si on fait juste regarder en haut, oui, il y a plusieurs, onglets, exemple recettes, trucs, projets, sous-vide, événements, philo, tout ça. Mais quand on se met dans la catégorie nourriture tout juste en bas, bien là, on a les sections à la carte, déjeuner, fromage, dessert, beignes, repas principal, repas saisonnier. Donc, si jamais vous cherchez pour l'automne, justement, bien, allez faire un tour dans l'onglet saison. Jardin, nourriture canadienne. Ça, c'est bien. C'est parce qu'on s'entend que de la nourriture en Alberta, quand tu m'as dit tantôt nourriture albertaine, je sais pas quel plat est albertain. Exactement. Donc, c'est ce que j'aime parce qu'elle relate vraiment l'évolution de la cuisine traditionnelle là-bas. Et c'est ce que j'ai aimé. Je viens de voir des tartes à la costarde à la rhubarbe. Oui. Croustade qu'on dit? Fouille pas trop, je te le dis, tu vas avoir faim. À la rhubarbe. Non, mais pour vrai, plus tôt cette semaine, je me suis dit, il me semble qu'on voit jamais rien à rhubarbe dans la vie. Il n'y a jamais rien à l'épicerie à rhubarbe. J'adore ça, la rhubarbe. Je crois qu'une fois, mais c'était à Montréal, j'ai vu de la confiture fraise rhubarbe. Oh, ça doit être excellent. Ça doit être très bon sur ses toasts le matin. Puis la petite madame a l'air de la mère de n'importe qui. Je sais, hein, c'est mon gueule. C'est juste une mère générique. On aime Valérie Lugunja. Exactement. Le deuxième blog dont je vous parle, c'est lifewithoutlemons.com. C'est aussi un site en anglais. Évidemment, vous allez comprendre qu'ils viennent de l'Ouest canadien. Donc oui, ils parlent beaucoup plus anglais qu'ils parlent français. En fait, c'est l'histoire culinaire d'Élise. On n'a pas de nom de famille. C'est une nouvelle Canadienne parce qu'elle, en fait, elle est anglaise d'Angleterre. Mais elle est déménagée ici avec son mari qui, lui, était canadien pour le travail de son mari. Et c'est comme ça qu'elle commence à faire son blog sur ses histoires, les mythes des ingrédients qu'elle utilise. Elle est bouchère de formation. Ah. Et c'est comme ça qu'a été créé, en fait, son blog. Et j'aime beaucoup tout ce qu'on peut y voir, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, encore une fois, de sections. Mais là, il y a des sections qui sont tout à fait différentes de celles de la nourriture, parce qu'on peut la voir, entre autres, elle a été à Disneyland avec ses enfants, puis elle en fait une petite histoire. Mais j'aime aussi la disposition de ce blog-là. Souvent, ça va être très, très visuel, surtout pour un blog à l'entièreté de nourriture, là. Donc, pour vous donner une idée de ce qu'elle peut vous proposer, bien... j'ai trouvé un article où elle dit « Faire la meilleure vinaigrette à salade ». C'est niaiseux, mais une vinaigrette à salade, c'est souvent ce qui va vous faire apprécier la salade que vous mangez. On s'en rend compte à la cafétéria quand on oublie la vinaigrette puis qu'on peut pas y retourner? L'histoire de notre vie, ça, Mathieu. Ouais, à chaque fois qu'il y a de la salade. Exactement. Surtout parce que je prends le petit dôme pour mettre par-dessus mon assiette. C'est vrai. C'est ça l'affaire. Elle a aussi une recette de gâteau aux carottes et betteraves. Ah, étrange. Avec... un crémage, lime, menthe et fromage. Donc, juste comme ça, là, je vous lance cette idée-là. Si jamais vous voulez aller voir le site lifewithoutlemons.com, eh bien, évidemment, je vais mettre tous les liens de tous les blogs dont je parle sur Assemblage Requin un petit peu plus tard après l'émission. Mais c'est juste le fun. Même le soir, des fois, on ne sait pas trop ce qu'on devrait cuisiner comme repas le lendemain. Puis d'aller faire un tour sur un site comme ça, ça ouvre des idées, mais ça ouvre aussi parfois des passions. Mm-hmm. C'est ça qui est cool. Tout à fait. Le troisième blog dont je vous parle, bien là, vous allez me dire, OK, c'est trop pas original, mais attendez, c'est un blog principalement de la SAQ. Mm-hmm. Donc, c'est blog.saq.com, mais dans la catégorie chin-chin. Chin-chin, oui, OK, oui. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Ben, un peu. Oui. Donc, en fait, c'est un blog où qu'on va... on va se donner le plaisir de découvrir les meilleurs accords vin et nourriture. Oui, et mais. Oui, c'est ça. Donc, il y a toutes sortes de recettes différentes avec lesquelles on associe, évidemment, c'est les vins de la SAQ, mais à part à l'épicerie, ici au Québec, il n'y a pas grande autre place où tu peux acheter ton vin autre qu'à la SAQ. Ça ressemble à un monopole, pas mal. Exactement. Donc, c'est quand même un blog qui est très intéressant à aller regarder. Si jamais on a un souper entre amis, on sait déjà ce qui va nous être présenté. Si jamais on veut amener notre vin, bien, c'est quand même bien d'aller faire un tour sur ça pour justement découvrir, comme je le disais, les meilleurs accords vin et nourriture. Et je voulais principalement vous diriger vers un article qui a été écrit par Marie Charret, qui est une des rédactrices là-bas. Ça a été écrit le 12 septembre 2015, mais elle nous présente en fait la tendance One Pot Pasta, trois recettes et accords vin pour l'automne. Donc, c'est principalement vraiment pour l'automne. Là, tu vas me dire, ouais, mais Tania, c'est quoi un One Pot Pasta? Ouais, mais Tania, c'est quoi un One Pot Pasta? Bien, en fait, c'est un concept qu'on voit de plus en plus. Je pense que c'est vraiment devenu tendance grâce à Pinterest. En fait, c'est très simple. C'est de mettre nos pâtes, nos légumes, nos viandes déjà semi-cuites, ouais, mettons, là, tout dépendant de comment on veut les faire. Les épices préférées avec de l'eau ou un bouillon, tous dans une casserole en une seule étape, ce qui fait un peu à la manière d'un risotto, ce qui fait en sorte que tes pâtes vont vraiment absorber tout le goût que tu mets dans ton bouillon ou dans ton eau, et ça va créer une espèce de soupe avec nouilles ou comme un plat de pâtes de vraiment comblé à 100%. Délicieux, ça? Ouais. Je me suis dit, en regardant cet article-là, que je devrais peut-être l'essayer, ou le frère essayer à ma mère. Ben c'est ça, qu'elle t'en donne un peu après. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on vous donne des exemples. Par exemple, le One Pasta classique de Martha Stewart. Il y a aussi le One Pasta Ratatouille, le pasta asiatique. Donc, je vous disais tantôt, ça peut arriver à une soupe. Tu sais, quand on va au Thai Express, bien souvent, les soupes vont avoir de très longues nouilles. Je dirais que c'est un peu basé sur ce concept-là, okay, que la soupe peut devenir un repas. Mm-hmm. Donc, si jamais ça vous intéresse, eh bien, c'est bien, bien facile. Encore une fois, je vous répète, c'est le blog.saq.com, mais dans la catégorie blog Chin Chin, pour justement découvrir les meilleurs accords 20 et mai. Pardon, j'ai un petit peu la voix enrouée ce matin. Ça va, ça va. J'ai la grippe, Matt. Pour j'ai vrai? La grippe. Le rhume. J'ai le rhume. C'est ça. Oui. T'as un vrai rhume? Un vrai rhume. Ben, en tout cas, ma meilleure amie ce matin est avec moi et c'est ma boîte de Kleenex. C'est ça. C'est pas ma préférée dans tes meilleures amies. Et j'ai aussi amené mes pastilles. Okay. Alors, ça te donne une idée. Le quatrième bloc dont je vous parle, inquiétez-vous pas, il en reste pas super long, mais c'est un sujet que moi, je parlerais tellement longtemps là, de la nourriture comme ça. Mais c'est le blog québécois tranchedepain.com. OK. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi. Non. C'est vraiment très facile à trouver sur Internet parce que ça semble être très populaire. En fait, ça a été créé par Francis Laplante, qui est un président du Food Camp Québec. Qu'est-ce que le Food Camp Québec? Eh bien, c'est un événement qui réunit plus de 1000 amateurs de bouffe sur une fin de semaine. Il y a des conférences avec des chefs renommés. Vous pouvez vous promener, jaser avec les gens sur votre passion sur la bouffe. Et en fait, lui a décidé de créer ça pour justement aboutir sa passion pour le monde culinaire. Il se disait, mon Dieu, je dois partager ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est tous les onglets qu'il nous présente. Toutes les sections différentes de son blog, dans recettes, ce sont en fait des essais culinaires que lui tente. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que ça existe déjà. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a pris la recette quelque part. Évidemment, oui, il va tester des affaires qu'il a vues sur Internet, entre autres le grilled cheese enveloppé de bacon. Oh. Il l'a testé, évidemment. Il y a aussi l'onglet restaurant. Donc, lui va se donner comme mission de commenter les restaurants qu'il va essayer. Un peu comme dans le temps, Anne-Marie Wittenshaw faisait. Et moi, j'aime ça. Ouais. Je pense que c'est pour ça que j'aime la bouffe, à cause de l'émission à couteau tiré. Ah, pour vrai? Ben, c'est pourtant très, très récent comme émission. Là. C'est récent, mais je peux écouter cette émission-là, là. De façon religieuse, mettons. Ouais. C'est, je trouve ça bon. Mais j'aime le slogan de tranche de pain, c'est « on se fout des calories ». On se fout des calories, ouais. C'est fun. C'est très bien, hein. J'aime ça. Il y a aussi lecture. En fait, ce sont les blogs que lui aime. C'est les lectures que lui va faire sur la nourriture dont il va vous partager sur son blog. Et c'est vraiment ce que j'aime sur ce blog-là. Et je voulais aussi vous présenter une des recettes qui, moi, m'a charmée. Je sais pas si... Mathieu, est-ce que t'aimes le tartare, toi, dans la vie? Je sais pas. T'as jamais mangé de tartare de bœuf ou de saumon ou quoi que ce soit? Non. Eh bien, il y a la recette, apparemment, du meilleur tartare de bœuf de l'univers. Bon. Et là, ça dit le meilleur tartare de bœuf de l'univers, rien de moins, pour ne pas dire le meilleur tartare de la galaxie. Eh boy, là. Alors, je me suis donné commission de devoir essayer ce tartare à un certain moment. Et comme c'est froid, tu peux l'amener en studio? J'imagine que je pourrais. J'imagine que je pourrais, sérieusement. OK, je vais me donner comme mission d'essayer de le faire avant jeudi prochain. OK. Alors, je vais pas te forcer. Non, mais sérieusement, moi, j'aime beaucoup les tartares. Je dois dire, là, je vais faire un spoiler alert ou donner une commandite gratuite à quelqu'un. Oh boy. Mais je dois dire que le tartare du Carlito ici à Trois-Rivières est franchement, excellent. Okay. Et très dur à battre. Ah ben! Ouais. OK. À chaque place que je vais qui nous offre, en fait, du tartare de bœuf, j'essaie du mieux que je peux de l'essayer. Et le Carlito, encore une fois, je retourne au Carlito pour manger le tartare de bœuf. Il est excellent. On s'est un petit 5 à 7 là-bas. Ah! Oh. Moi même pas. Donc c'est tranchedepain.com. C'est amical comme blog, je dirais. J'aime beaucoup ça justement parce qu'il y a une facilité de se promener sur ce blog-là qui est quand même assez exceptionnel et c'est ce que j'aime. Mm-hmm. Le cinquième blog dont je vais vous parler, c'est pas très très long, je vous en parlerai pas très très longtemps parce qu'il y a... Oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais en fait, il y a beaucoup plus de choses à voir. Donc, je vais vous laisser aller le voir en mettant le lien sur Assemblage Requis, comme je le disais. C'est foodesfoodies, au pluriel, .com. Donc, on le disait tout à l'heure, les fameux hashtags foodies, les passionnés de bouffe. Eh bien, c'est en fait, qu'est-ce que foodesfoodies.com? C'est un blog, mais c'est surtout une revue gourmande québécoise à télécharger gratuitement. Arrête donc, pour vrai, c'est oui, cool ça. C'est vraiment cool. Hein? Mm-hmm. C'est un magazine qui est un clin d'œil sur le paysage gastronomique de la région du Québec. Présentement, on est à 4 tomes déjà. Si jamais vous voulez, vous pouvez vous inscrire gratuitement à la liste d'envoi. Donc, vous allez recevoir le prochain tome qui devrait sortir quasiment prochainement, si je me souviens bien. Il y a aussi un aspect blog. Donc, si jamais vous voulez lire les articles que l'équipe écrit, eh bien, c'est très simple. Vous allez sur l'onglet « Blog ». L'équipe est quand même composée de 4 personnes, dont Caroline Descostes, qui est rédactrice en chef, Marie Asselin, directrice artistique. Donc, j'imagine que c'est elle qui prend les photos, qui nous éveille les petites étoiles dans les yeux. Catherine Côté, qui est directrice photo et styliste. Et Julien Marchand, qui lui est directeur des ventes. Mais sur sa photo, on le voit quand même... sentir un verre de vin, et j'imagine que sur le blog d'ailleurs et dans les tomes, on peut voir des articles sur le vin aussi. Donc c'est foodiefoodies.com et je me suis inscrite dès ce matin à la liste d'envoi du prochain tome, et je me suis donné comme mission, encore une fois, de passer au travers des 4 tomes qui sont déjà sortis, et je crois que ça va se faire assez rapidement. Quand t'aimes quelque chose, c'est bon de se gaver. Quand t'aimes quelque chose, c'est bon de se gaver, mais je dirais aussi que avec tout ce qui se passe dans le monde, surtout féminin, là, l'amour, haine avec la nourriture, c'est à un certain point dans sa vie, on se dit rendu, pour vrai là. Ouais. J'aime ça. Puis en plus, quand tu likes chacune des pages que tu mentionnes, ce que j'ai fait il y a 2 secondes, ça t'en suggère plein d'autres. Oui, c'est ça. Tu peux mettre ton Facebook en entièreté complètement foolies. Tellement. Il y en a un qui s'appelle Meilleur avec du beurre. Like. Oh oui. Mais il y a aussi, je pense que c'est sur le site de Tranche de Pain, justement, quand on va voir le curriculum vitae de Francis Laplante, parce qu'en fait, il vous fait voir son curriculum vitae dans l'onglet me contacter. Eh bien, on voit qu'il a été quand même, il a lancé le projet en 2013, plateformebeurré.ca, qui est simplement pour partager les restaurants que tout le monde aime. Pourquoi pas? Hein? Donc, on rappelle les 5 en rafale. T'avais Canadian Foodie? Oui, j'avais CanadianFoodie.com, LifeWithoutLemons.com, qui sont 2 sites anglophones, blog.saq.com, mais rappelez-vous la catégorie blog Chin Chin pour les accords mai et vin. Le 4e était Tranche de Pain au singulier.com. Et le 5e, Fou des Foodies au pluriel.com. C'est plus difficile à appeler, mais tout ça va être sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Tout ça va être sur la page Facebook d'Assemblage Requis très bientôt, genre dans quelques minutes, pendant qu'on va aller écouter. Parce que là, capotez pas, OK? Peut-être que certains vont faire genre, pourquoi vous jouez ça à matin? Mais... Donc, ils vont l'avoir dans la tête toute la journée. Aussi. À cause de toi. Mais c'est parce que ce matin, je me suis dit, OK, je parle de bouffe, mais tu sais, je peux pas aller faire jouer une toune qui parle pas de bouffe après avoir parlé autant de bouffe, de nourriture, de vin. Alors, j'ai tapé sur Google « chanson parlant de nourriture ». Dis pas ce que c'est, genre, au pire. Dis pas ce que c'est, genre, on va l'écouter, puis oui. Les gens vont comme on va comprendre. Juste aller l'écouter, puis au retour, on vous dira qu'est-ce que c'est. OK. Tout ça à Assemblage Requis. Chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax, let's pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner. Be our guest. Be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, chérie, and we provide the rest. Soup du jour, hot hors d'oeuvre, why, we only live to serve. Try the gray stuff, it's delicious. Don't believe me? Ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, miss, this is France, and a dinner here is never second best. Go on, unfold your menu, take a glance, and then you'll be our guest. We our guest, be our guest. Beef ragout, cheese soufflé, pie and pudding on flambé. We'll prepare and serve with flair a culinary cabaret. You're alone and you're scared, but the banquet's all prepared. No one's gloomy or complaining while the flatware's entertaining. We tell jokes, I do tricks with my fellow candlesticks. But it's all in perfect taste that you can best. Come on and lift your glass. You've won your own free pass to be our guest. If you're stressed, it's fine dining we suggest. Be our guest, be our guest, be our guest. Life is so unnerving for a servant who's not serving. He's not whole without a soul to wait upon. Ah, those good old days when we were useful. Suddenly those good old days are gone. Oh. 10 years we've been rusting, needing so much more than dusting, needing exercise, a chance to use our skills. Most days we just lay around the castle. Flabby, fat, and lazy, you walked in and oops a daisy. It's a guest, it's a guest. Sakes alive, that I'll be blessed. Wise been poured and thank the Lord, I've had the napkins freshly pressed. With dessert, she'll want tea, and my dear, that's fine with me. While the cups do this, I'll chew it, I'll be bubbling, I'll be brewing. I'll get warm, I've been hot. Heaven's sakes, is that a spot? Clean it up, we want the company impressed. We've got a lot to do. Is it one lump or two? For you, our guest. She's our guest. She's our guest. She's our guest. We've got lumps over here. Line up now. She's our guest. She's our guest. She's our guest. And we're obsessed. It's your deal. It's your deal. Yes, indeed, we introduce. While the candlelight's still glowing, let us help you live in glory. Horse. Sing you off to sleep as you digest. Tonight you'll prop your feet up, but for now let's eat up. Be our guest, be our guest, be our guest. Please be our guest. Alors, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est la chanson Be Our Guest de La Belle et la Bête. Pour tous ceux qui viennent de l'écouter et qui se doivent maintenant d'écouter La Belle et la Bête, je suis désolée. On a au moins une auditrice qui vient de nous dire que c'était chien un peu. T'sais. Mais je trouvais tellement que c'était de mise pour la chronique que je venais de faire avec les 5 blogs canadiens sur la nourriture. Absolument. Absolument. Merci Tania Baudin. Merci Mathieu Plante. Après la pause, on continue en nourriture avec une grosse pointe de stress. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Reiki en ce jeudi 15 octobre 2015. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui. On a parlé de nourriture tantôt dans ta chronique. Ouais, on en a parlé en long et en large. Ouais, ben on va continuer de le faire en diagonale. Ouh. Maintenant. Parce que voici une grosse pointe en dresse. C'est une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte à un produit du commerce, d'un dépanneur, d'une épicerie, quelque chose qui a pas rapport, qu'on devrait pas manger, qui est pas bon pour la santé, parce que nous aussi on se fout des calories, on fait comme tous les blogs de ces temps-ci qui critiquent de la nourriture, mm-hmm. Mais on le fait de notre propre façon, avec des produits qu'on a jamais goûtés, c'est cool! Ben oui, bon. Puis on n'en fait pas d'excès, fait que c'est correct. Non, c'est ça. Une fois par semaine, ça va aller. Est-ce que t'es prête à découvrir le produit de cette semaine? Oui. Ça l'a... Pourquoi tu réagis comme ça? Ça questionne mes sens ce matin. Ben, parce que tantôt, j'ai dit, on va le rappeler, que c'est pas quelque chose que j'amène habituellement. Exactement. C'est pas des chips, de la liqueur, du chocolat. Mm-hmm. C'est dans une catégorie à part. C'est peut-être pas si mauvais pour la santé que ça, on va voir. Mais là, depuis 2 semaines, on mange des bartendes, fait que ça devrait pas être typé. T'as raison. Non, c'est vraiment différent dans le sens que c'est un produit qui va sur une salade. OK. Est-ce que ça dit quelque chose? Comme une vinaigrette? Non. Des croutons. Oh mon Dieu, t'as aucune idée à quel point j'aime les croutons. Moi aussi, j'adore les croutons. Ben, Colin, on va avoir quelque chose en commun, enfin. là, je fais une salutation à ma mère qui achète jamais de croutons, puis je suis comme, je veux des croutons. Ben, peut-être lui conseilleras-tu les croutons style César faits de pain Texas Toast. Oh! Est-ce que tu connais les pains Texas Toast? C'est des gros pains super épais, là, que des fois congelés en épicerie que tu peux acheter et passer au four. Des fois, c'est gratiné. Communément appelé ménage. Genre du pain ménage, ouais, si on veut. Ouais. Mais ça s'appelle communément aussi du Texas Toast. Donc, ça nous dit sur l'emballage, oui, saveur exquise, bouchée tendre. Mmh. Ça me surprend de croutons qui soient tendres. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Là, en temps normal, on veut que ça crunch. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai acheté. Je me suis dit, il me semble que c'est louche des croutons tendres. Et quand je prends le sac entre mes mains, ça n'a pas l'air de trop peser. Okay. Ça n'a pas l'air tendre, ça a l'air croustillant. Mais tu sais à quel point c'est dangereux, ça? Surtout si tu le laisses dans le bureau après notre émission. Ouais, ben c'est ça, on va le finir, je pense, après l'émission. Je pense que oui. C'est quand même un grand sac. Ouais, quand même. Pas trop bien. Donc, crouton style César. Elle s'est dit que le produit était grossi pour montrer la texture. Donc, on s'entend que c'est pas des gros cubes, ouais, comme non, sur le sac. Présentation suggérée. Donc, il nous dit de les foutre sur une table, je pense. Ouais, je pense que oui. Hein. C'est la compagnie Miss Cobbessins. Miss Cobbessins. C'est dans l'allée des croutons. Il y a une allée des croutons à l'épicerie où je vais. Il y a vraiment, ben ouais, à côté des sauces puis des vinaigrettes, une rangée croutons. Ah, mais vraiment. C'est merveilleux. Donne-moi le nom de ton épicerie, je m'y rendrai. Ah, facilement. Donc, Miss Cobbessin... OK. Donc, là, c'est le texte qui est en arrière. Miss Cobbessin sont présents dans les cuisines américaines depuis 3 générations. Aujourd'hui, nos croutons de pain texan au beurre et à l'ail perpétuent cette tradition. Coupés très gros, puis rehaussés de beurre et d'ail savoureux, ils sont parfaits pour ajouter une touche unique aux entrées de salade. Ici, on présente à l'endos du sac une salade de steak grillé, avec des morceaux de steak saignants, complètement rosés. Et on voit que les croutons sont quand même gros par rapport aux morceaux de salade. Tania, oui, tu vois ici? Est-ce que tu vois ici? Oui, je vois. Les croutons sont gros. J'ai hâte de voir si sont aussi gros que ça dans la vraie vie. J'ai hâte de voir aussi. Ouais. Ça contient blé, orge, lait et anchois. Oh! Étrangement. Peut contenir des noix. OK. C'est tout pour les informations. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Donc, je t'envoie ça. C'est meilleur avant juin 2016. Oh, on a même le temps de finir le sac. Ben oui. Je te passe ça ici. Flip. Tu veux que je l'ouvre dans le... micro magique. Oh, j'adore des le son. Gros croutons. On est prêts? Oui. Ah, oh, attends, je vais le fermer. Ah oui, il y a une fermeture éclair. Ça va être encore plus dramatique. On branche pas le crouton, là. Un gibros, hey, t'as le crouton sec un peu, Tania. Oh, ils sont quand même gros. Ouais, hein? Ça sent très bon. Bon. Ça sent un peu le fromage. Ben, ça devrait être du pain texan d'habitude. Il me semble qu'il y a du fromage là-dessus. Je m'en prends une petite poignée puis je te la prête. Prends-toi ça. Je te prête le sac. Elle a amené sa meilleure amie. Ses mouchoirs. Oui, mes mouchoirs. Pour pouvoir en prendre. Bon. Moi, je vais même le sac. Ben oui. Oui, des gros croutons. Je dirais environ... peut-être... Ah, deux centimètres... par côté, peut-être? Ouais, à peu près. Ou un et demi, entre un et demi et deux. Ça se met, c'est comme des gros croutons. Ouais. Il y a comme une... Ça sent le... Quelle sorte de fromage? Cheddar, hein? Ben, je sais... Je te dirais pas que c'est parmesan. Non. Ni mozzarella. Non. Mais je te dirais que c'est un fromage qui est quand même assez fort. Oui, un cheddar vieilli, on dirait. Mettons. Attends, c'est peut-être écrit dans les ingrédients. C'est du fromage romano et bleu. Oh, voilà. Alors, c'est marqué saveur de fromage romano et bleu. Contient du vrai fromage. Il y a du beurre en poudre, de l'ail en poudre, donc on sent un petit peu l'ail aussi. Ouais. Mais en gros, c'est pas mal ça. Est-ce qu'on s'en met un dans la bouche? Ah, t'as pris une croûte! Ah, ben attends, là, j'en ai d'autres. On va prendre un autre, on va prendre une croûte plus tard. T'en as-tu une croûte, toi? Pas sur le dessus du sac, non? Ah, ben j'en ai ici, jamais t'en veux. Merci. Ok, allez-y. Ça goûte les croutons. J'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. Tu dirais pas que ça goûte la Texas Toast? Je dirais pas que ça révolutionne le monde des croutons. Vraiment pas. Mais c'est drôle à quel point on peut sentir le fromage. Et pas y goûter tant que et ça. Et pas y goûter. Je suis très d'accord avec toi. C'est bon, mais ça goûte vraiment comme les croutons normaux, là. Ouais. Genre même que t'achètes pas en assaisonné, sac. Mettons. C'est ça? Ouais, non, je suis triste du fait que on sente vraiment gros le fromage, mais qu'on le goûte pas. Ouais. Ben, je suis partagé. J'aime ça. J'aurais tendance à vouloir mettre mon pouce en l'air. Mais je le mettrais plus sur le côté. Si tu le laisses fondre dans ta bouche, tu goûtes plus le fromage. Je sais pas. Mais c'est comme le goût de mettre un... entre le... sur le côté puis en haut. Ah, là, ça commence à être un système sur 10, ton affaire. Ouais. Trop compliqué pour moi. OK. Mais sur le côté. Sur une échelle de 1 à 10, je donne 7.5. Bon, puis moi, je donne un pouce sur le côté parce que je suis règle. C'est ça. C'est ça. C'est des croutons de Miss Cobison. Croutons style César fait de pain Texas toast. Le verdict est que ça goûte pas ce que ça devrait goûter. Mais que c'est bien bon pareil. Puis vous pouvez l'acheter pareil. Je me rappelle pas combien ça coûte. Je vous posterai la photo sur Facebook tantôt. Je l'ai pris en photo avec le prix. Mm-hmm. Pour m'assurer de donner tous les détails. Puis là, ben, je les gagne. Bref. Après avoir mangé, c'est le moment de parler de nouvelles de fast-food. Et on va se faire un petit bloc thématique McDonald's, encore une fois. Une fois de temps en temps, il y a comme un ramassis de nouvelles McDonald's ensemble. Et je les mets toutes ensemble. Donc, pour commencer, quelque chose dont on a déjà parlé à l'émission. C'était les Shaken Flavor Season Fries, les frites assaisonnées que McDonald's avait dans d'autres pays où on pouvait se brasser le sac de frites avec des poudres de saveur. Oui! Bon, donc maintenant, ça s'en vient aux États-Unis. Donc en Ohio et au Michigan, donc probablement, éventuellement au Québec. Façon de personnaliser vos les frites les plus célèbres du monde avec votre saveur préférée, entre autres. Ouais, si tu nous manges dans le micro, ça pourrait être drôle tout le long de la chronique. J'aimerais ça. Ça pourrait être drôle. Ça drôle. Merci. Donc, t'as garlic parmesan, donc parmesan à l'ail. T'as zesty ranch, ça veut dire ranch zesticulaire. Et spicy buffalo, donc buffle épicé. Infini, là, j'en ai plus. Donc, McDonald's, je sais pas pourquoi, mais ils ont envie de personnaliser tout. Donc, ils avaient testé des assaisonnements pour les frites et pour ces mecs croquettes dans le Nevada et dans la Californie. Donc, Shaken Flavors qui va arriver en Ohio et dans le nord, dans le sud-est du Michigan. Ça pourrait venir partout au pays, mais pour l'instant, c'est vraiment pas dans les plans. C'est selon burgerbusiness.com. Les assaisonnements sont disponibles avec n'importe quel achat de frites, avec, comme je disais, les trois options que j'ai mentionnées tantôt. Ce qui est différent de ce qu'il y avait dans le Nevada, qui était Chipotle Barbecue à la place de Spicy Buffalo. Ah, voilà. Uh-huh. Donc, c'est ça. C'est pas mal tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Les gens ont l'air d'apprécier. Est-ce que tu mangerais des frites avec de la petite poudre de ketchup dessus ou poudre de... Je suis pas certaine. Une tarde. Je suis vraiment pas certaine. Je trouve qu'il y a pas assez, de saveur. Il faudrait qu'il y en ait plus que ça. Ouais. Il faudrait qu'il y ait genre au dill pickle. Mais t'as comme une fascination avec le dill pickle, toi, c'est assez. J'adore le dill pickle. Ça, puis le bacon. Si t'avais une poudre de bacon pour tes frites, avoue. Ouais. T'sais? Ou si même, tu pouvais avoir... Genre, la poudre de d'autres restaurants, genre la poudre des rondelles d'oignon de IW. Oui. Tu les amèneras chez McDo, brasser le sac. En tout cas. C'est vrai. On continue chez McDonald's qui maintenant essaie de nous vendre encore plus du fromage chaud. Ooh. Dans un nouveau menu qui s'appelle Lovin' Value. Donc, McDonald's qui se cherche encore un autre marché. On teste le Lovin' Value menu dans 125 restaurants du sud-est du Wisconsin avec des bâtons de mozzarella. Donc qui va attirer les gens du Wisconsin. Wisconsin, c'est l'état du fromage, ça c'est eux les Cheeseheads, hein, je pense, le Wisconsin. Mm-hmm. Il me semble que oui. Donc ils ont testé des bâtons de mozzarella ailleurs au pays en 2014, mais cette fois-ci c'est vraiment dans un menu spécial qui commence à 1$ pour les bâtons de fromage avec sauce marinara et d'autres trucs comme un cheeseburger et un McPoulet. C'est comme un genre de menu valeur là, mais okay. Pas juste à 1$. Je pense que eux il y avait des me... Il me semble que c'était le Dollar Value Menu il y a quelques temps, puis là c'est rendu un menu à 1$ et plus. Ah ouais? Des petits trucs moins chers. Donc c'est ça. Donc des bâtonnets de mozzarella, peut-être aurons-nous ça un jour. Et encore une fois, j'aimerais ça avoir des petites sauces moi là parce que ça manque de sauce. Oui. Marinara c'est plate. Je verrais une petite sauce au pesto moi avec ça. Sauce au pesto. Mm-hmm. Oui, j'avoue. Ouais. Donc, une petite portion collation pour ceux qui aiment le fromage. On reste chez McDonald's avec des McFlurry gratuits pour ceux qui ont faim et qui ont chaud. Tout le monde aime les choses gratuites. Gratuites. Oui. Donc, plutôt cette année, McDonald's a commencé à tester des panneaux publicitaires buvables pour donner des breuvages à ses consommateurs, ses clients assoiffés. Donc, McDonald's donne des McFlurry gratuits aux passants lorsque les températures atteignent un certain niveau. Selon Creativity Online, on dit que c'est McDonald's aux Pays-Bas qui testait cette publicité qui distribuait des desserts pour aider les gens à battre la chaleur. Et contrairement à d'autres par Coca-Cola et Carlsberg, celle de McDonald's ne donnait pas directement le breuvage, ou en tout cas pas le breuvage, mais la collation. À la place, c'était, ça donnait un coupon pour aller chercher dans un restaurant un McFlurry, alors que les publicités de Coca-Cola et Carlsberg donnaient directement le breuvage, ce qui est encore plus cool. Donc c'est l'agence danoise JC Deco et TBWA Nebocco qui ont créé cette grosse pancarte, ce gros panneau publicitaire activé par la chaleur pour accueillir 100 verres de McFlurry vides au Damrak d'Amsterdam. Et lorsque la température arrivait à 38,6 degrés Celsius, environ 101 degrés Fahrenheit, le panneau publicitaire s'ouvrait pour permettre aux piétons de se prendre un verre de McFlurry vide. Mm-hmm. Et ensuite, ils amenaient leur verre chez McDonald's. C'est vraiment cool. Ouais. C'était pas un coupon comme j'ai dit tantôt, je sais pas pourquoi j'ai dit. Bref, un verre vide. Il y a beaucoup de nouvelles de chez McDo, hein, c'est ainsi. Ben, c'est une thématique, là, c'est vrai. Ouais. Je les ai mis tout en même temps, tant qu'à faire. D'accord. McDonald's qui offre des cafés chauds avec des saveurs pour la toute première fois, mais dans un seul marché. Si vous avez envie d'un petit peu de saveur, comme dans certains cafés dilués là, qu'on a au Canada, hein, oui. Qui ont des jeux de saveurs au caramel ou à la menthe, mm-hmm. ou peu importe. Donc, McDonald's essaie la même chose. Selon le Cushion Science Monitor, McDonald's offre maintenant des jeux de caramel, de noisettes et de vanille française dans ses McCafés, dans au moins un marché. Un porte-parole de la compagnie dit que les cafés super chauds sont une variété locale. On n'a pas spécifié quelle ville. C'est ça, on ne dit pas quelle ville. Et on ne dit pas si ça va arriver au niveau national un jour. McDonald's qui sert des cafés glacés avec des saveurs. On sait, je crois, caramel, il y a original, il y a vanille, il me semble, dans les cafés. Il me semble que oui, oui. Froid, donc depuis 2007. Et l'option chaude, c'est la première fois qu'on le fait. McDonald's qui demande au public de créer son prochain burger populaire, mais seulement à Chicago. C'est vraiment des choses très très locales aujourd'hui. Donc McDonald's qui demande à ses fans de créer un burger pour avoir la chance de le retrouver sur le menu. On appelle ça Chicagoland's Burger Build-Off. Les fans qui visitent la place vont pouvoir visiter burgerbuildoff.com pour créer leur propre burger. Vous allez toujours pouvoir construire votre burger si vous habitez ailleurs, mais vous ne pourrez pas participer au concours, on se comprend. Donc, on peut personnaliser avec plusieurs ingrédients comme des tranches de pommes, un pain bretzel, des choses qui ne sont pas sur le menu nulle part aux États-Unis. D'autres options parmi les pains, j'ai dit pain bretzel, pain artisan, pain à Big Mac, style pâtisserie, genre bakery style, c'est un petit pain un petit peu plus fancy, brun un peu, genre okay, old ouais. grain. Ensuite, t'as le old grain normal régulier. T'as le pain pour le quart de livre. Je savais même pas qu'il y avait un pain différent pour Moi le quart plus. De livre. C'est peut-être le... Y a pas un burger avec les deux boulettes puis un pain dans le milieu? Un Big Mac? Un pain... ouais, je pense que Big Mac, il y a un pain à deux côtés tranché. T'as pas de dessus ni de dessous. C'est comme un pain de milieu. Genre. Peut-être. Peut-être ça. Pain hamburger normal et un pain de ciabatta. Pour le bœuf, t'as jusqu'à deux... boulettes de quart de livre et jusqu'à 3 boulettes normales. Parmi les fromages américains, c'est du fromage orange, cheddar, feta, pepper jack, parmesan, gouda, suisse, cheddar blanc. Et là, t'as toute la liste de garnitures et de légumes que je vous épargne et des sauces comme le barbecue, babeurre, etc., etc. Il y en a plein. Donc tu construis vraiment ton burger avec toutes les options du monde. Là. Je pense pas qu'il manque grand-chose là-dedans. Peut-être des croutons. Peut-être. Qui manque. Et ensuite, tu peux choisir un arrière-plan pour ton hamburger, le nommer et le partager sur les réseaux sociaux pour espérer que les gens votent pour. Pareil comme les Chips Lays. C'est la même chose. On adore ça. Le vote a débuté au mois d'août, terminé en septembre, et le top 10 va devenir des burgers jugés par un panel de juges qui vont déterminer les deux burgers qui vont aller sur le menu pour un temps limité. Ça va être du 30 novembre au 27 décembre prochain. Et à partir de là, le burger qui va se vendre le plus va être couronné le gagnant. Et le grand prix du concours est un chèque de 5 000 $ et un voyage pour le gagnant et 3 invités à Universal Orlando. C'est vraiment cool. Ça me tente, j'aimerais ça en faire un, juste en créer un. Ben oui, fais-le. Pourquoi pas? Toujours chez McDonald's, en Australie maintenant, ils testent un déjeuner gourmet. Ouais, puis je suis en train de regarder les photos. Pas tout à fait ton genre, hein? Non, tu comprends pas, là, il y a une gaufre. Ah, mais gaufre McDo, hein, ça. Qui semble excellent. Ok, ok. Donc, McDonald's en Australie qui crée un menu déjeuner gourmet dans deux endroits, à Annerley, Queensland, et une autre à Thornley, à New South Wales, en Australie. Donc, le test se déroule depuis le début du mois d'avril, non, depuis le mois d'avril en général, et il y a 5 choses... les corn fritters au maïs, mm-hmm. accompagnés d'avocats, de tomates grillées, de feta, de relish aux tomates et d'épinards pour environ 7 $ américains. Mais ça, c'est ben in, hein, en Australie, de manger des toasts aux avocats. Oui, non, l'avocat, en effet, on fait juste tartiner de l'avocat sur avec un toast. Avec du vinaigre balsamique. Tout à fait, j'ai vu ça maintes et maintes fois et j'ai jamais essayé, j'ai jamais osé. Ouais, moi non plus, j'ai jamais vraiment osé. C'est comme à la mode, comme too much à la mode. Là. Ouais, genre poivre, sel, vinaigre balsamique, avocat sur une toast. C'est juste un déjeuner normal, c'est comme se mettre du beurre sur une toast. Ouais, ça, pour eux, même affaire. Ensuite, t'as les gaufres belges avec yogourt. Et des petites baies mélangées pour 5 $ américains environ. C'est de celle-là que je te parlais. Oui. T'as l'avocado smash, une tranche de pain sourdough. Donc, sourdough, c'est quoi déjà en français? Je me rappelle pas. C'est une bonne question, moi non plus. Je trouve ça à l'instant. J'ai comme sur le bout de la langue. C'est pas seigle? Non. Ben, il y en a qui disent du pain de campagne, du pain au levain. Ah. Pain de blé au levain. Bref. Avec avocat dessus, épinards, tomates et feta. T'as le bacon and egg roll. Donc, egg roll, pas egg roll. c'est du bacon de dos, des œufs, des épinards et de la relish aux tomates avec un pain brioche. Et t'as aussi le café breakfast, une version plus fancy de leur gros déjeuner chez McDo avec du bacon, saucisse chipolata, des œufs brouillés, des épinards, des tomates grillées, une patate hash brown, relish aux tomates et une tranche de pain au levain. Ouais, non, surtout, faut pas enlever la patate hash brown. Là. Non, c'est non. Comme... Hey, c'est la renommée du McDo le matin. La personne qui m'enlève la patate, ma patate hash brown. Et Colin. Donc allez voir, il y a plein de photos sur Instagram en ce moment. C'est vraiment joli à voir. On peut les personnaliser en plus lorsqu'on commande. Oui. Toujours au McDonald's. Au Brésil, on offre des patates en forme de mignon. OK. Tu sais, pas des patates hash brown, mais des petites patates, genre... eux autres, ils ont comme des patates en, dans une boîte de carton. Qu'est-ce que tu peux commander à part? Genre, c'est comme un accompagnement. Pas des frites, mais c'est des patates. Un peu comme les patates sourire, genre, en épicerie. Là. Ah oui. Bon. Okay. C'est un peu le même genre, mais la place est en face de Mignon. Avec demain, le film qui est sorti là-bas récemment. C'est des patates grillées. Ben, pas grillées, pardon. Frites. OK. Faut pas se mélanger entre grillées et frites dans de la graisse. Non, c'est vrai. Ils les appellent les batatas. Un peu comme les bananas, hein? Mm-hmm. On se comprend? Batatas qui veut dire patate. En portugais, c'est ça. Avec des traits d'union et des majuscules pour imiter les mignons. Comme ça, là. Matata! Matata! C'est vraiment magique. Et en plus, McDonald's au Brésil qui offre un sundae avec deux petites tartes aux bananes frites à l'intérieur. Hein? Ça, c'est comme des chaussons. Ouais. Nos bananes. Ça doit être bon. Dans ton sundae. Ça, c'est vraiment malade. Disponible en chocolat, caramel ou sauce aux bananes. On appelle ça, attention, le cold and hot banana! Évidemment. Maudit que ça me tente ses nerfs, ça. Ah non, oui. Allô, le marketing de fou! Mais ça n'a pas d'allure, ça. Pour une fois, je suis vraiment d'accord. C'est pas comme les céréales, genre à saveur de banane. C'est comme, tu sais, n'importe quoi, là. Ouais. Mais là, c'est fancy. C'est avec un chausson aux bananes dans un sundae au caramel avec des patates aux peaux bananes, je pense. Hey, on reste chez McDo? On peut bien rester chez McDo. Parce qu'à date, j'aime bien ça. McDonald's en Nouvelle-Zélande qui teste des pâtés à la viande et des pâtés au poulet. Oui, McDonald's en Nouvelle-Zélande et avec les Butter Chicken Pies. Oui. Du poulet au beurre, évidemment, un plat indien. Avec un petit peu de kick, mais pas trop piquant. Poulet au beurre, c'est quand même smooth. En plus, ils ont aussi ajouté la tarte Plum and Custard. Disponible pour un temps limité. C'est dans le fond, c'est des versions portables d'une tarte, d'une grosse tarte, d'un pâté qu'on, ouais. Qu'on aurait normalement de grandeur nature. C'est des petites qu'on peut prendre dans sa main et les manger directement comme ça. C'est quand même vraiment cool. Il y a ça dans d'autres pays. J'en avais déjà parlé dans cette chronique-ci, mais pas à cette saveur-là de poulet au beurre. Mais c'est quand même quelque chose qui fait le tour du monde. J'aime, on va voir ça ici parce qu'il y a personne qui va manger une tarte à main, on dirait. On est tellement conservateurs, là. Ben, ça n'a pas de sens. C'est qu'on mangerait pas de la tarte chez McDo. Mais pourquoi pas? Ils mangent du spaghetti chez McDo dans d'autres pays. On a déjà parlé de ça aussi. Ouais, on devrait pouvoir avoir des affaires fancy. On peut pas avoir des affaires cool. Genre, il y a jamais rien de cool. Donne-moi la dernière affaire cool chez McDo. Si tu vas en Gaspésie, il y a des hamburgers au homard. OK. Bon, une affaire cool. Ouais. Next one? Il n'y a pas d'autre. Ouais. Non, pas vraiment. Qu'on me rappelle pas encore la mec pizza, là, je m'en souviens, j'étais là. Mais ça n'a pas fait longtemps. C'est pas tant bon. Moi, j'aimais ça. Moi, j'aimais bien ça. J'aimais bien gros ça. Ah ouais. Donc, les tartes contiennent la main très populaire dans ce pays-là. Et McDonald's a ramené la marque en 2013. Ils ont amené la Steak Mince and Cheese Pie, une tarte à la viande et au fromage. Ils ont aussi offert Chicken and Vegetable Pie il n'y a pas si longtemps. Et là, du poulet. On reste au McDonald's. Je t'apprends-tu quelque chose? On reste chez McDonald's? On reste chez McDonald's. Oui, qui améliore un peu les galettes, les boulettes de bœuf. On a annoncé chez McDonald's plutôt cette année qu'on allait revamper le burger. OK. En faisant toaster le pain et en faisant searing. Je m'excuse de pas savoir du searing pour la viande, qu'est-ce que c'est. Ah, je demanderai pas à Tania parce qu'hier, une auditrice nous l'a rappelé. Une auditrice régulière de l'émission et ancienne co-animatrice. Je te laisse dans le néant. Ouais. Qui tient à te dire qu'en français, c'est pas du bœuf de Cob, comme t'as dit hier, mais du bœuf de Kobe. Et que la persillade dans la viande, c'est pas des nervures. C'est pas toi, je pense, qui a dit ça. C'est Fred. C'est Fred. donc, on corrige Fred. Mais c'est ça, la persillade dans la viande, c'est pas des nervures. Parce que ce sont pas des nerfs, mais bien des filaments de gras. Dans okay. la viande. Donc, Frédéric avait tort. Ah, oh, misère. Mais maintenant, on l'a corrigé. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il était en auto? Sinon, elle serait venue le dire en studio. Mais tout ça pour dire que searing, lorsqu'on parle de viande, bien sûr, c'est juste une façon de cuire. Là. Il y a tellement de termes en anglais pour cuire. C'est une façon de cuire particulière, mais en français, on dit juste cuire. C'est vrai. Peut-être une autre façon, mais je sais pas. Bref, ils vont cuire leur viande différemment et griller les pains de leur hamburger. Il y a aussi d'autres changements qui s'en viennent. Ajouter plus de viande dans le quart de livre. Donc, selon CNBC, on nous dit que le nouveau quart de livre va venir avec 0,25 once de plus de bœuf avant cuisson. La version présentement du quart de livre avec fromage pèse 4 onces avant d'être cuite et 2,8 onces après la cuisson. Mais les nouvelles boulettes qui devraient sortir bientôt vont avoir un nouveau processus de cuisson qui va aussi améliorer le goût, la texture et l'apparence du burger. On n'a pas plus de détails pour l'instant, mais ça s'en vient. McDonald's qui innove dans sa viande pour avoir plus que ce qu'il est supposé avoir. Quand tu dis un quart de livre, c'est supposé être... quart de livre, là, ça dit 4 onces. Ah, des livres puis des onces, là, ils mangent les, ouais. Les façons de calculer. Ça me met. Le prochain, on va chez McDonald's. Oui. Je te dirais. Ben ouais, mais allons-y. McDonald's qui teste une façon de transporter sa nourriture par vélo. Oui, on l'avait pas déjà vu, ça. Je pense que... Non, on l'avait dit pour l'auto, je pense. Oui. C'était pour l'auto. Oui. Est-ce que j'ai tort ou j'ai raison? Je sais plus. En tout cas, on va en parler quand même parce qu'on a commencé. Mais c'est le McBike, donc un système d'emballage pour amener votre nourriture chez vous quand vous êtes à vélo. Ça va être essayé à Copenhague au Danemark et à Medellin en Colombie. L'emballage qui contient le verre en dessous du contenant. Mm-hmm. Et ensuite, c'est fait en carton, évidemment, donc t'as un rond en dessous qui va tenir le verre. Et par-dessus, t'as la place pour mettre tes frites et ton sandwich, évidemment. Hein? Donc, c'est à peu près ça. Ça permet de faire de l'exercice pour brûler les calories que tu vas ensuite manger. Ben, de ton McDo. Pas le choix. Et c'est... voilà. Donc, pour créer l'emballage McBike, McDonald's a travaillé avec une agence publicitaire de l'Argentine, Tribal Buenos Aires. Donc, idée quand même cool pour les gens à vélo. Il me semble que c'est avec une voiture, l'autre. Je suis plus sûr. Prochain, on va chez McDonald's. Ah ouais? Ah ouais? T'es-tu sérieux? Je te jure. c'est un autre modèle, une autre façon de faire votre propre burger. On parlait tantôt un petit peu de faire son propre burger. Il y a un nouveau nom qui s'appelle Chef Crafted aux États-Unis. C'est avec un menu interactif. On essaie de remonter les ventes. Le nom avant, c'était Taste Crafted. Maintenant, ça va être Chef Crafted. Le nom était pas très populaire chez les gens. Ça dit que, ça avait l'air trop mécanique, Taste Crafted. Là, ça a l'air plus émotionnel, plus humain. Plus humain, pardon. Donc, qu'est-ce que ça dit ici? J'aimerais savoir le détail de comment ça fonctionne. Attends un peu. Mais je l'ai vu, ça. Tu l'as vu? Je l'ai vu à... Attends. C'était où? C'était du côté de Saint-Roch-de-Lachigan. OK. En fin de semaine, j'ai vu ça dans un McDo. Pour vrai? Ouais. Cool. Donc, c'est sur une machine interactive. Tu peux appuyer sur des boutons. Ben, pas des boutons, mais virtuels un peu. Exemple, c'est ton menu virtuel qui défile. Puis tu cliques sur ce que tu veux, ça te calcule le prix, puis par la suite tu paies, et il te donne un numéro et t'attends ta commande. Mais ça, c'est pas la même chose. Ça, on avait déjà parlé aussi. Ça, c'est un autre système. Celui-là, c'est pour créer l'intérieur de ton hamburger toi-même, avec le pain que tu veux, avec la sauce que tu veux, avec les légumes que tu veux dedans. Tu peux choisir, par exemple, du bacon à érable, des oignons grillés, de la sauce miel et Dijon, du cheddar blanc, de la laitue, bacon buffalo, fromage bleu. Tu peux vraiment mettre ce que tu veux dedans. Donc, c'est pas la même chose, mais c'est sur le même principe. C'est l'évolution de ça, finalement. Parce que ça, le système de faire sa commande soi-même, ça fait quelques années que ça existe ailleurs dans le monde. Là, on commence à l'avoir. Bon, tu dis au Québec, c'est quand même bien. Ouais. Et là, la prochaine étape va être de pouvoir construire ton menu plus personnalisé. Mais ça va pas prendre plus de temps? Oui. Qu'à vouloir un McDo personnalisé... Fais-le toi-même. Va ailleurs. Non, ça, je suis pas d'accord avec toi. J'aime la personnalisation. Et vu que t'as pas engagé plus d'humains, payé un salaire de fast-food, tu peux installer plus de moniteurs virtuels. Tu vas pouvoir en avoir 20, 30 s'il faut, là, s'il manque de. S'il y a tout le temps une file derrière les petits menus électroniques, ils vont juste installer d'autres. Là. Oui, ça, c'est certain, mais ça va. Ça va pas ralentir. Ah, non, la, mais la cuisine en arrière. La cuisine en arrière. Tout à fait d'accord. Ça va être plus long à avoir ton menu, tu sais, puis. C'est vrai. Le concept d'avoir du fast-food, c'est. Que ça soit vite. T'as raison. OK, on a deux derniers. Faut qu'on termine la chronique, mais j'ai deux dernières nouvelles de McDonald's, fait qu'on y va en rafale. Il y a un ranger dans un parc, tu sais, les park rangers, comme dans... c'est quoi, Boubou, Yogi et Boubou l'ours? Yogi l'ours. Le ranger de parc. Oui. Qui a dû faire 12 heures de voiture pour enlever une fausse pancarte de McDonald's qui était marquée « Ouverture bientôt » dans le milieu d'un désert australien. Quelqu'un est allé planter dans un désert australien une pancarte de 50 pieds à 327 miles du plus proche McDonald's dans le Simpson Desert Regional Reserve. Mais selon non. le New Daily. Donc, il avait vraiment installé une pancarte là disant qu'il allait avoir un McDo bientôt là, c'était impossible, et le Ranger a dû conduire pendant 12 heures pour aller l'enlever. C'est juste ça la nouvelle. Et très belle nouvelle. Pour terminer, McDonald's en Malaisie qui offre un chausson aux épinards. Oh! Après chausson aux pommes, bleuets, chocolat, caramel, un chausson aux épinards en Malaisie, spinach pie. Complètement différent, mais on s'entend que pour déjeuner, ça doit être vraiment excellent. Là, comme les Hot Pockets au fromage et épinards, c'est super bon. Disponible pour environ 79 cents américains. Donc, croûte feuilletée, épinards, des carottes en dés et une sauce crémeuse. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, juste s'il te plaît, faire mention du McFlurry qui est en dessous? Vas-y. C'est les nouveaux McFlurry au litchi. Oh, miam, du litchi. Oh. Et il y a aussi un shake au litchi. Ça doit être tellement bon. Avec sauce au litchi. Je pense même que t'as des... Oui, t'as des chaussons au litchi aussi. Oui. Ah, génial. Voilà, c'est tout pour une grosse pointe à l'adresse. Les liens sur assemblagerequis.com. On a fini nos nouvelles de McDonald's, il n'y en a plus. Déjà. Il va sûrement en avoir d'autres d'ici la semaine prochaine, par contre. Sûrement. Connaissant McDonald's, ils sont pas capables de pas innover à chaque maudite semaine. Et sauf au Québec. Sauf au Québec, parce que c'est une place de conservateur en fast-food. Au retour, Marie-Christine Perra et la chronique Gratin et Vin gratuit. On parle de grande culture raciale. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Et que je n'étais pas prêt à temps. Hein? Toujours Assemblage Requis en ce jeudi 15 octobre 2015, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plan. Oui, exact. Et là, maintenant qu'on est de retour, là, on est prêt. Là. Oui, ben oui, on est prêt. Mais il me restait quelques dernières affaires pour réussir à mettre le tapis rouge dans le studio pour pouvoir permettre à Marie-Christine Perra d'entrer, parce qu'à un moment donné, elle s'en connaîtra pas sur un tapis rouge comme dans une grande ouverture de galerie d'art et vernissage, etc. Donc, à un moment donné, il faut ce qu'il faut dans le domaine. Voici donc Marie-Christine Perra, gratin et vin gratuit. Ah, c'est pas... C'est ça? Non, c'est pas ça. Ah, ben non, quand... j'avais deux affaires avec toi, c'est ça ici. Raisin en grappe, fromage brie, des galeries d'art, elle se nourrit d'art d'œuvre, de photographie, d'art visuel en tréfluvie. Voici gratin et vin gratuit. Ah, bonjour, Marie-Christine Perra. Bonjour, Mathieu. Et Tania, je sais pas pourquoi j'allais dire Camille. Je sais pas. Il n'y a jamais eu de Camille dans l'équipe. C'est l'une des seuls noms qu'on a jamais eu. J'ai un visage de Camille ce matin. Ça a l'air à ça. Ben, ça t'irait pas mal. Ouais, c'est ça, c'est un beau petit nom. Bref. Ben, bon matin à vous deux et à vous tous qui nous écoutez attentivement. Faut que je rectifie quelque chose en commençant la semaine dernière. Là, il y a deux semaines et demie, en tout cas. Oui, environ deux semaines et demie. Ben, parce que le thème musical... excusez-moi, là. Je vais m'installer, moi aussi. Ouais, c'est ça. Ah, ah, okay. On est sur le coin d'une table. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, celui qui fait mon thème d'introduction, Daniel Morissette, auteur, compositeur, interprète de la région, j'ai dit qu'il lançait son album le 31 décembre. Faux. Ben, c'est faux. C'est le 31 octobre. Halloween. Oh. C'était mélangé avec le jour de l'an puis l'Halloween. C'est un grand hasard que ça tombe à l'Halloween. C'est plutôt le samedi que tout le monde était disponible en même temps. Bon. Donc, c'est à l'Embuscade le 31 octobre. Roctobre. Roctobre. Voilà. Donc, voilà, fallait que je rectifie le tir. Bon, on aime ça. C'est celui qui fait la chanson thème, donc on aime déjà ça. Effectivement. Faut l'encourager dans ce qu'il fait. Ouais, puis peut-être que je vous amènerai une manée, l'une de ses chansons. J'aimerais ça. On verra. Bon, donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis deux semaines et demie? En fait, pas grand-chose. Ça s'est tout passé dans une seule et même soirée. Parce que je sais pas pourquoi je vous avais expliqué que le gratin tréfluvien artistique est très malléable selon l'endroit où on se promène. Mm-hmm. Puis, ben, je sais pas, là, ce gratin divisible-là, des fois, fait ses choses en même temps. Donc, c'est un petit peu ça donne comme ça. Ben, c'est souvent comme ça. Quand tu as quelque chose dans la vie d'organiser un soir, là, soudainement, toutes les affaires sont le même soir, il faut que tu choisisses où aller. Mais toi, tu as réussi à aller à chacune de ces places-là, à passer de place en place pour aller visiter. Ouais, et puis les deux, c'était genre 5 à 7. Fait que... OK, ça s'est tiré un petit peu peut-être, les 5 à 7? Il y a une place, oui, ça peut s'étirer davantage. Mais donc, j'ai commencé par la galerie R3 ici à l'université, qui est grand classique... parce que c'est tout prêt, hein? C'est ça, on se casse pas la tête, on est déjà là. Ben c'est ça, exactement. Puis là, ben c'est très particulier l'exposition qu'il y a en ce moment. Vraiment, ça vaut la peine d'aller voir ça parce que tout est multimédia finalement. Okay. Oh. Quand on entre dans la galerie, ben moi quand je suis allée au vernissage, en fait, les œuvres étaient pas encore allumées, donc il y en avait qu'une à la gauche en entrant sur un espèce de dessin là, fragmenté de lignes et de courbes. Pas mal abstrait, noir et blanc. Là, je dis, coudonc, il y a juste ça. c'est gros vernissage. Je vais avoir ma coupe de vin, m'en aller. Oui, ouais, c'est ça. Fait que là, je dis, j'ai dit, c'est tout, tu sais. Là, non, c'est parce que c'est toutes des œuvres à projection, donc elles n'étaient pas encore allumées. Parce que là, avant le vernissage, il y avait une journée d'études. Donc, là, c'était très important. Là. C'était du gratin mondial qui était là. Il y avait du monde du Cameroun, de la France. Ah. C'est les deux pays que je me souviens. Mais déjà, c'est pas mal. Ouais. Donc, il était invité à faire des communications sur, en fait, comment les arts peuvent servir la société dans une optique de développement durable. Oh. Disons-le comme ça. Et aussi, comment est-ce que les arts peuvent communiquer avec les autres sphères de la société? Parce que des fois, on a l'impression que l'artiste est peut-être un petit peu isolé, peut-être seul dans son coin, comprend pas le reste du monde, puis il se comprend lui-même, puis c'est à peu près tout. Mais non, l'artiste communique avec les autres sphères de la société, avec d'autres industries. Donc, comment rallier tout ça ensemble pour arriver à poser un regard sur notre société de surconsommation, finalement. Donc, c'est un petit peu ça, le sujet de discussion de cette journée d'études, qui s'est terminée ensuite par un vernissage. Et il faut dire que les vernissages à la Galerie Art 3, eux, ils l'ont, l'affaire. Ah oui, pour vrai? Okay. Ah ouais, il y a du vin rouge, du vin blanc, il y a du... ça, déjà en partant. Semble aussi. Puis, ils ont plein de petites boostifies, là. Tu sais, c'est... Il y a plus de budget qu'ailleurs à l'UQTA. Je pense que le budget est tout mis à la Galerie Art 3 puis le vin. Ben ouais, mais c'est toujours du vin. On m'a déjà dit ça, un vin d'horreur. Parce qu'habituellement, c'est un vin d'honneur, mais tu sais, c'est pas toujours du grand vin. C'est un jeu de mots, j'aime ça. Oui, c'est beau, hein? Oui. Fait que, non, mais eux, ils l'ont. Tu sais, ils ont de l'expérience, là, oui, en termes de vernissage. Donc, c'est ça. Comment. Moi, j'ai pas pu assister à toute l'exposition, au dévoilement de l'exposition, parce que là, j'avais un autre. Un autre sac à cassette. Ouais, c'est ça. Ouais. Un autre activité culturelle à faire ensuite, mais j'ai assisté au début d'une performance acousmatique. Oh. Acousmatique, c'est comme cosmétique et acoustique, non? C'est peut-être plutôt cosmique et acoustique. Là. D'accord. Ça a plus de sens, en fait. Ouais. Oui, parce qu'il n'y avait pas trop de cosmétique, l'homme qui présentait ça. C'est une présentation avant, c'est ça que tu dis pas? Oui, c'est ça, exactement. Ton seul gratin. Oui, bon, c'était ça. C'est ça, le gratin, finalement. Non, mais c'était Jean Voguet, j'imagine, ou Voguet, un Français qui vient du Crown Lab, qui lui présentait cette performance acousmatique qui est une série, il me semble que c'était de six épisodes, là, appelons-le comme ça. Mm-hmm. Bon, c'est un espèce de musique live électro, finalement. Donc, en tout cas, c'est particulier, mais on peut dire que les arts aussi s'approprient. Les arts visuels, finalement, s'approprient aussi le sonore. Donc là, il y avait une rencontre assez particulière, je trouve, entre le côté performatif puis le côté sonore, qui est moins habituel, disons, dans une galerie d'art. Des fois, il y a de la musique, des fois, il y a des sons. Mais là, que ce soit vraiment concentré uniquement sur le son, on était assis, puis il fallait être assis à un endroit en particulier pour avoir vraiment le son optimal. Okay. Donc, il y avait des chaises de spectateurs, mais on n'était que spectateurs auditifs. Donc, tu sais, déjà, il y avait un rapport particulier au spectacle de son, là. Donc, il y avait cette performance-là qui, on ne peut plus l'entendre, évidemment, si on se rend dans la galerie ces jours-ci. Mais par contre, on peut voir les œuvres qui sont allumées. C'est nettement plus intéressant. Oui. Donc, il y en a... là, c'est très fascinant de voir comment est-ce que les technologies d'Internet sont réutilisées, finalement. Parce que là, il y a une œuvre qui utilise Google Earth, puis il y en a une autre qui utilise Street View. C'est aussi fascinant à voir comment est-ce qu'on ne peut pas parler français quand on explique ces termes-là. Donc, on voit que l'Internet, finalement, sais, s'incluent dans les œuvres d'art. Donc, les artistes aussi, quand on voit que les artistes communiquent avec tout ce qu'il y a autour de la société, finalement, toutes les sphères, bien, il y a aussi ce monde virtuel-là qui est Internet. Donc, il y a une œuvre, c'est Philippe Boissonnet, qui est professeur à l'université, qui avait déjà présenté cette œuvre-là, mais elle a été bonifiée puis un petit peu transformée avec deux jeunes diplômés du département des arts, c'est Sébastien Cossette et Emmanuel Loireau, donc qui ont bonifié les images. Donc, c'est une œuvre qui est comme en deux temps. Il y a une projection qui est sur le plancher, qui, elle, c'est elle qui utilise Google Earth. Non, on voit la Terre de loin puis se rapprocher jusqu'à plus proche. Non, ça aurait été beau, là, mais non, c'est pas ça. OK. Il y a, en fait, l'image qui est projetée, c'est, ça doit être l'Arctique qui est en haut, là. Le pôle Nord, c'est l'Arctique. Ouais. C'est oui, ça. Puis l'Antarctique est en bas. Oui. Donc, c'est l'Arctique qui est en haut. Donc, c'est comme si on est sur le dessus de la Terre, finalement. Puis, on regarde face à nous sur le mur, il y a des projections. Ça ressemble un peu à des coulisses de goudron. Puis, bon. Okay, c'est un commentaire sur le drillage d'huile des endroits. C'est bon, faut le voir. C'est ça, exactement. Ça peut être ça parce que là, ça, je me disais, on est sur la Terre, on est sur la calotte polaire qui était en train de fondre. Ouais. Là, tu sais, est-ce qu'il y a toute une lecture à faire par rapport à ça? Mm-hmm. Probablement. Sûrement. Donc, on est sur le. Ben, en fait, avant d'arriver sur la calotte polaire, on est face à la projection qu'il y a par terre. C'est en fait des taches noires aussi, qui, comme s'il y avait des gouttes d'eau noire qui tombaient sur le sol. Puis là, chose magique. Bien, quand on approche du cercle où il y a des gouttes qui tombent, bien là, comme par magie, c'est là que la Terre apparaît, puis que là, on arrive, que l'Arctique apparaît sous nos pieds. Puis là, l'image qui est devant nous, c'est plus des coulisses d'eau noire qui tombent, mais c'est des taches de couleurs qui apparaissent. Okay. Donc, il y a vraiment une interaction avec le spectateur. Mais une personne à la fois, j'imagine. Ouais. Non, on peut y aller en gang si on veut. Okay. Il n'y a pas de problème, mais il faut vraiment se positionner finalement au centre du cercle qu'il y a par terre. Puis là, ben, il y a une espèce de senseur en haut. OK, c'est ça, je me demandais, faut que tu dises au gars, genre, je suis prêt, moi, j'y vais. Ouais, c'est ça. Non, non, c'est pour ça, c'est vraiment, c'est là qu'on voit aussi, le spectateur a besoin d'être là pour que l'œuvre s'anime. Oui, pour que ça marche. C'est un peu c'est comme ça. Quand tu vas dans une pharmacie, il y a une œuvre d'art, je ne sais pas si vous avez remarqué, les rasoirs se mettent à raser tout seul. Est-ce que vous avez vu ce truc-là dans les pharmacies? Tu me petit rasoir Gillette, là, quand tu passes devant, il se met à passer sur la peau. Oui, c'est ça. Il y a des trucs comme ça. Des c'est de l'œuvre aussi, d'art. C'est une publicité interactive. Ah, d'accord. Okay. Ce serait plutôt ça. Ça, c'est une œuvre d'art interactive. Okay. Mais là, est-ce que le Gillette, c'est une œuvre d'art? On pourrait se questionner on sur. Pourrait. Si un jour, on prend cette chose et on la présente dans un musée, on la présente dans une galerie, et on l'appelle tranche de vie, exemple, ben, ça pourrait devenir une œuvre d'art à ce moment-là. Ah. Mais placée dans la pharmacie, comme ça, dans un contexte publicité. X, c'est pas... Ouais, c'est ça, exactement. C'est souvent pour que ça devienne de l'art, comme j'expliquais la dernière fois avec les ready-made, exact, qui sont des objets usuels du quotidien qu'on prend puis qu'on en fait une œuvre d'art. Il faut la mettre en contexte artistique, donc la mettre dans la galerie ou dans le musée. C'est souvent ça. Mais ça reste le même objet. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, sauf qu'il peut être changer de position, puis on va lui donner un titre. Tu sais, j'avais déjà donné un exemple, j'avais présenté ça, la pratique installative, puis le ready-made à des élèves de secondaire. Puis là, pour être rigolote, tu sais, j'avais pris, mettons que tu prennes un banc d'école, puis tu le mets dans le musée, puis tu appelles ça « l'école fait chier », ben, tu sais, là, ça devient une œuvre d'art, parce que là, il y a un message avec le titre, tu sais, qui renvoie... Mm-hmm. Bon. Fait que, qui renvoie les déchets. Ben, en tout cas, qui... Donne une opinion. Ouais, hein? C'est ça, qui prend position finalement, donc qui fait qu'on a une lecture différente de l'objet. Position assise. J'arrête. Aussi. Bon, là, par contre, j'ai vraiment perdu ce que je disais. Ouais, c'est ça, c'était avec la planète. Finalement, on peut y aller en gang sur le rond planétaire ou pas. Mais c'est ça, il y a un petit senseur en haut. Là, si on regarde le dispositif, on voit qu'il y a une petite lumière rouge étrange. Ouais. Donc, quand on vient se positionner au centre de l'œuvre, ben là, le. Ça se déclenche. Oui, c'est ça. Il y a un changement dans ce qu'on voit. Donc ça, c'est, encore une fois, c'est là où on voit que l'interaction avec le spectateur, elle est très importante. Parce que comme là, en ce moment, à la Galerie d'art, les œuvres existent. Mm-hmm. Mais là, il n'y a personne pour les regarder, mais elles sont les mêmes. Alors que elles, quand le spectateur pénètre l'œuvre, ben elle se transforme. Donc, mm-hmm. elle est différente quand le spectateur est devant. Ouais. Bon, c'est ça. Donc, il y en a une autre aussi, une œuvre qui est très amusante, finalement, qui est présentée par Jean-François Côté et Slobodan Radosavljevic. On l'appelle Slobodan, OK? c'est deux profs aussi au département qui présentent deux... Ben, en fait, il y a il y a comme trois projections ou deux et demi en tout cas, puis c'est comme présenté en miroir. Là, à droite, à gauche, c'est quelqu'un où on voit juste ses jambes, qui fait comme se déshabiller ou s'habiller. Donc, on voit juste une accumulation de vêtements ou une désaccumulation de vêtements. Puis au centre, encore en effet de miroir, il y a quelqu'un aussi qui est comme dans une chambre, toute pixelisée en noir et blanc, puis qui fait comme s'habiller puis se déshabiller. Donc, on est dans un geste très quotidien. Ouais. On est dans plusieurs manières d'observer ce geste-là. Un geste banal qui devient spécial. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas un ready-made, là, mais c'est un ready-made de mouvement. Ouais. Bon. Fait que ça, c'est très bien. Donc, quand on est moins habitué à l'art, peut-être, ça peut être une manière aussi d'aller s'initier de manière ludique et amusante, parce que c'est très accessible, là, vu que c'est des technologies avec lesquelles on est habitué de vivre, finalement. Donc, je peux clore là-dessus pour cette exposition-là. Puis, je vais vous envoyer en musique. Oui. Êtes-vous prêt? Ben oui, monsieur. Juste en terminant aussi, c'est ça, les échanges qui ont été faits pendant cette journée d'études-là, ça portait évidemment sur l'optique d'un développement durable avec les arts, tout ça. Puis là, ils se sont posé la question. Ils ont posé beaucoup de questions sans toutefois amener des réponses dans cette journée-là. Mais il y a une question qui a été posée. Est-ce que le numérique, ça serait une voie pour diminuer le gaspillage? Fait que là, c'est vrai, il n'y a pas de papier, on ne jette pas de bois, on utilise... Bon, il y a plein de choses qu'on ne jette pas les œuvres parce qu'elles sont intangibles. Par contre, tout ce qu'on a besoin, les métaux lourds, les métaux précieux pour fabriquer les outils technologiques, bien, eux, par contre, polluent, puis eux exploitent des personnes dans les mines en Afrique, tu sais. Donc, finalement, est-ce que c'est vraiment ça la solution? On ne sait pas. Donc, je vous laisse vous poser la question vous-même. Mm-hmm. Donc, je vais vous envoyer en musique avec... parce que là, après ça, je vais vous parler de poésie. Donc, je vous envoie avec un texte d'un grand poète de chez nous, Émile Néligan, chanté par Claude Léveillé, qui est un des premiers chansonniers au Québec, donc comme un poète à guitare, qui, en passant, a joué dans Scoop. Oui, c'est le père de Macha Grenon. C'est ça, je pense que Mathieu Plante, ça l'a charmé énormément quand je lui ai dit ça. Donc oui, c'est ça, il faisait le père de Macha Grenon, l'ancien journaliste, rédacteur en chef, je sais pas trop quoi, qui a eu un accident d'hélicoptère puis qui est en chaise roulante à la fin, là. Wow, c'est comme si j'y étais. Oui, ah, j'ai vraiment suivi surtout ça. Surtout avec le petit piano derrière. Donc, on y va pour Claude Léveillé, avec « Soir d'hiver ». Un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé. Qu'est-ce que le spasme de vivre? La douleur que j'ai. Tous les étangs gisent, gelés. Mon âme est noire, où vis-je, où vais-je? Tous ces espoirs gisent, gelés. Je suis la nouvelle Norvège. D'où les blonds ciels s'en sont allés. L'heure est oiseau de février. Au sinistre frisson des choses, pleurez oiseaux de février, Pleurez mes pleurs. Pleurez mes roses. Aux branches du genévrier. Qu'est-ce que le spasme de vivre? À tout l'ennui que j'ai. Ouf! Ah, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de réveillé? On disait en ronde tellement facilement, mais Claude l'éveillé plus Claude l'endormi. Am I right? Ouais, mais c'est... Mais c'est plein d'émotions. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est très beau. C'est ça, classique. Les paroles, c'est des classiques. Ben exactement. Il y a une chanson aussi, ce même texte de Neil Gann, chanté par Monique Lirac, qui est aussi... qui est beaucoup plus poignant, mais je trouvais que Claude l'éveillé était plus poète que... Ouais. Que Monique Lirac, qui est une interprète. Mm-hmm. Donc, c'était pour vous amener à vous parler de... Ben, en fait, c'est dans le cadre du Festival de poésie qui s'est terminé dimanche dernier. Mm-hmm. C'était... c'est un grand classique, là, maintenant. Je pense que c'était la 11e ou 12e édition. C'était Cossin poétique et patente à gosse qui se déroulait à l'Atelier Silex, qui, en fait... l'Atelier Silex a été fondé par des finissants, des diplômés d'ici, là, mais il y a quand même... une trentaine d'années, je me risque à dire ça, qui ont parti cet atelier-là, qui est un peu style coopérative, mettons, là, puis ben, c'est en fait pour être capable d'avoir un lieu de travail à moindre coût. Fait que quand tu te mets en gang, ben, ça coûte moins cher le loyer. T'sais, c'est un principe de colocation, mais d'atelier. Donc, ça donne un endroit où il y a un sous-sol puis un rez-de-chaussée où il y a tous les ateliers où ce que les gens peuvent travailler, puis il y a une salle d'exposition en haut qui est vraiment très belle, puis un petit salon aussi. En tout cas, c'est vraiment bien organisé, puis des fois il y a des fêtes là-bas. En tout cas, il y a toutes sortes d'événements. C'est vraiment un endroit très très intéressant, l'atelier Silex. Donc il y a une douzaine d'années, ils ont commencé ça. En fait, c'est souvent les artistes se connaissent un peu entre eux de domaines, de médiums différents. Donc, il y avait des poètes, des sculpteurs qui étaient amis. Puis, du coup, on devrait faire quelque chose ensemble, puis, tu sais, pour se mettre un petit peu en valeur aussi. Puis, bon, fait que, donc, c'est parti un peu de cette idée-là de mettre en vente des œuvres des membres de l'atelier Silex. Donc, ils sont là. Nous autres, comment ça fonctionnait, c'est t'achètes ton œuvre, mettons, c'est 20$, puis t'as un petit coupon, puis on te pige au hasard. Puis là, tu choisis, il y a une soixantaine d'œuvres, puis là, tu choisis ton œuvre jusqu'à écoulement d'œuvres. Puis là, dans le petit salon vert qu'il y a de l'autre côté, une ambiance jazzy, un peu comme, comme aujourd'hui. Comme le fond, c'est ça. Puis, tu sais, c'est très propice à ça. Il y a cinq poètes dispersés, puis ils ont une petite lumière à leur table. Puis en tout cas, c'est très coquet. Puis là, ben, tu arrives avec ton œuvre nouvellement acquise, puis tu te diriges vers le poète de ton choix. Puis là, lui, il discute avec toi un petit peu, il observe l'œuvre que tu viens d'acheter. Puis là, ben, il écrit un poème en 5 minutes sur l'œuvre ou sur ta perception de l'œuvre. Ah. Bon. Donc, c'est une communication entre la sculpture et la poésie. Donc, c'est très bien de cette part-là. Puis aussi, c'est un exercice très intéressant pour le poète qui fait ça en 5 minutes. Un petit défi, donc, là. Exactement, une écriture éclair. Puis moi, ben, j'ai parlé à plusieurs poètes qui étaient là, puis il y en a qui ont trouvé ça un petit peu ben, contraignant, finalement. Là, il y en a un, c'est un Turc. Fait qu'il dit, moi, il fallait que j'écrive en français en plus. Oh, ouais. Fait que lui, ça a été... Il savait dans quoi il s'embarquait, quand même. Ben, tu sais, oui puis non, ouais. Parce que c'est un invité. Il était là pour le Festival de poésie. C'est un poète turc. Okay. Qui a écrit des livres en turc, qui parle français, mais il est venu ici parce qu'il était invité sûrement à faire une lecture dans le cadre d'une autre activité. Fait que là, il a été engagé pour faire ça. Lui, de 5 à 7, bon, oui, OK, il a dû dire oui. Puis là, il s'est retrouvé devant ça, puis il était capable de remplir sa mission, mais il a trouvé que c'était assez difficile. Donc, puis il y avait une jeune poétesse aussi, là, faudrait que je retrouve son nom quand même, je la pluguer, là, parce qu'elle est toute jeune, elle a, je pense, 23, 24 ans. C'est Mayra Bruno da Costa. Donc, oui, ça, oui, tu la connais? Je la connais un peu. Un poquito. Donc, c'est, ça mettait du féminin aussi dans la salle. Mm-hmm. Les poétesses sont moins nombreuses que les poètes. Mais là, elle était là, c'était très bien. Puis elle étudiante ici, il me semble. Ah, écoute, ouais. ça se peut, on n'a pas discuté de ça. Mais tu sais, elle était un petit peu mal à l'aise elle, dans tout ça parce qu'elle dit « je fais beaucoup de fautes à l'écrit ». Fait que là, c'est un stress de plus de pas faire de fautes. Fait que là, quand on arrivait, elle dit « moi, je fais des fautes, est-ce que ça vous dérange? » Puis parce que tu peux choisir le poète. Fait que, mais là, non, elle avait souvent une ligne d'attente. Donc voilà. Puis sinon, dans les œuvres qui ont été présentées, ben il y avait, je pense qu'il y avait une douzaine d'artistes sculpteurs qui étaient là. Donc, il y a Isabelle Gauvin qui a présenté des petits personnages en argile qui étaient très, très amusants. Là, une petite hauteur, mettons, une dizaine, 10, 12 cm. Puis, des personnages sans bras. Mais, tu sais, on reconnaît l'anamorphologie. L'anthropomorphologie. L'anthropomorphie. L'anthropomorphie du personnage. On voit très bien que c'est un. Entre Eddie Murphy, je pense. Oui, c'est ça, l'Eddie Murphy. Donc, on reconnaît bien que c'est un petit humain. Mais il y a. Oh, là, je commence à m'étirer pas mal, par exemple. Donc, en tout cas, il y avait Isabelle Gauvin, il y avait Pascal Larrault, il y avait France Joyal aussi, qui est prof à l'université, qui, elle, fait de la couture sur papier. Donc, une espèce de relation entre l'ancestral et le moderne. Donc, je vais m'arrêter là-dessus, vraiment. J'aurais aimé vous en parler plus longuement, mais ce sera pour une autre fois. Mais ce sera l'année prochaine, en fait. L'année prochaine? Cossin poétique et Patantagos. Oui, okay. Pas moi, mais pour ça. C'est long, ça. T'allais déjà? Oui, c'est ça. On va avoir une chronique aux 2 ans, maintenant, au lieu de 2 semaines. Donc, voilà, écoutez, c'est le temps qui me fouette. Ouais, c'est alors, ça. Voilà. Mais merci. On te retrouve dans ta case habituelle. Ouais. C'est les lundis habituellement. Ouais, parce que les jeudis, ça me mélange. Ça me mélange, moi aussi. Puis on n'a pas d'émission le lundi après nous, fait qu'on peut dépasser un peu. Mais merci beaucoup, Marie-Christine Perra, pour gratin et vin gratuit aux 2 semaines, les lundis matins, à Assemblage Requis. Bonne journée à toi. Nous, c'est la fin de l'assemblage requis pour déjà, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je crois qu'on peut prendre le petit 30 secondes, une minute pour accueillir Samuel Girard qui va venir nous plugger la fin le début de son émission qui s'en vient tantôt. Pendant qu'on parle Marie-Christine Perra, qu'on remercie pour sa chronique aujourd'hui. On va être lundi à l'émission. Qu'est-ce qu'on va avoir lundi? On va avoir une nouvelle chroniqueuse. Oui, c'est vrai, c'est une nouvelle chroniqueuse. C'est notre amie Catherine Langlois qui va être là pour une chronique sur la nature, le plein air. Donc c'est lundi à 9h, soyez-y. Mais comme je disais, Samuel Girard est là, bonjour. Hey, bonjour. Salut. Bonjour. Hey. Oh, genre 30-45 secondes, dis-nous qu'est-ce qui s'en vient à Génie en liberté, s'il te plaît. Ben très simple, le matin on va parler du vote voilé. Quand même un sujet qui était très à la mode avec le vote par anticipation. Ouais. Grosse nouvelle qui a foutu tout le monde aussi, les changements de Playboy. On va se garder un petit 10 minutes, sujet plus léger, avant de repartir dans la politique. C'est léger ou lourd dépendant de son bonnet. Bien dit Mathieu. c'est ça, à 10h, on devrait avoir 2 étudiants qui vont venir nous parler d'éclosion. Donc pour les projets à l'étranger. Je trouve ça très intéressant, j'ai hâte d'en apprendre plus à ce niveau-là. Et on termine l'émission spéciale élection, parce que c'est ma dernière émission avant le vote. Avant le 19 octobre. C'est ça, donc on présente un Vox Pop, la boussole électorale, et on revient sur nos entrevues qu'on a fait et comment choisir pour qui qu'on vote. Cool, Stéphanie qui a fait un Vox Pop? Oui! Génial! Oui, super. Elle a eu beaucoup de plaisir à faire ça. C'était Génial Liberté, ça s'en vient à 9h30. Passez une belle journée, on se quitte avec l'Info Campus et à lundi. Bye. Et voici maintenant, l'Info Campus.